Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Oui, j'en doute pas un instant. Hein. 6h24, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est mardi aujourd'hui, le 11 octobre. Il fait dégueulasse, mais par contre, il fait pas froid. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais, ouais, ouais. Comment, c'est le problème. Comment vas-tu, Julie couches. Je vais très très bien. Elle a bien dormi. Mais oui, assez bien. J'ai dormi pas mal d'heures. Par contre, toi, tu commences à être malade. Non, mais j'ai éternué 2-3 fois. Donc ça, ah non, mais ça je veut sens rien que dire. Ça, ça se bouche là, tout ça. On entend. Ça se pourrait, mais bon, on verra bien de toute façon. Hein. Au pire, vous ferez l'émission sans moi, vous démerderez. Ah, ben voilà, quelle bonne idée. Bah, tu vois, vous allez voir, ça va être bien. Tiens. Oh, en tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, je me suis bien rendu compte d'une chose hier, c'est qu'on pouvait faire les efforts du monde. L'émission ne sera jamais aussi bien que... Oh mon Dieu, oui, j'aime bien son... Ah non, de Dieu. Ah, l'amour est dans le pré hier soir était un amour est dans le pré de grand cru. Autant le premier, je me suis endormi, autant celui-là, c'était quand même du lourd, du très très lourd. Oh là là là là. On a bien sûr les meilleurs moments à vous diffuser tout à l'heure, ça tombe sous le sens avec le top du top, la crème de la crème pour les malheureux qui n'auraient pas pu regarder cette grande émission hier soir et ça va être juste énorme. Ah non de Dieu, oui, j'aime bien son... Ah non de Dieu. Ah ouais, bah il faisait pas le fier hier lui hein. Ah il était pas content lui hier, enfin bon bref, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Toi Fabien, il a bien dormi? Écoute, il a très mal dormi, encore il a toussé toute la nuit, donc tout va bien. Ah donc maman s'est pas bien occupée de toi alors? Si, elle m'a fait un petit lait au miel et tout avant d'aller dormir, elle m'a amené le sirop. Les pastilles, machin. Elle t'a mis le thermomètre ou... Non, pas encore. Ah, d'accord. Je pense que je vais pas y couper ce soir. Pas y couper, oui, forcément, j'imagine, ouais. Bon, en tout cas, ce matin, on est là jusqu'à 9h30, évidemment, comme chaque matin, avec pas mal de choses, évidemment, la ligne anti-relou. On ira faire chier les gens aussi, comme d'habitude. Vous en avez pris l'habitude à 7h-10, 8h-10 et 9h-10, en tout cas aux alentours. Il y aura les infos de Julie, on parlera de foot également, forcément, puisque ce soir, bah, vous le savez, c'est la grande journée. D'ailleurs, comme je suis pas forcément doué en foot, enfin, je veux dire, j'aime bien comme ça, mais sans plus. Du coup, si j'ai bien compris, et ça je compte sur les footeux qui sont derrière leur radio ou les footeuses, car il y en a aussi, de me dire, alors si la Belgique perd ce soir ou fait égalité avec l'Allemagne et qu'en même temps les Turcs reperdent encore une fois, on est bon là, il me semble. Oui. Je peux pas le garantir parce que je crois que j'ai compris ça, mais je suis pas sûr. Donc les footeux, dites-moi 30-44, confirmez-moi. C'est pas que j'ai pas confiance en Julie au niveau foot, mais je préfère avoir l'avis de professionnel. Mais dis donc, ça va aller quoi. Si vous pouviez éventuellement me donner quelques infos. Je ne suis pas la meilleure dans ce genre de... Je me doutais, ouais. Donc 30-44, 30-44 vous le dites, ou alors sur le Facebook, hein, facebook.com/mickaëlofficiel. Avec ce matin encore des cadeaux, des places pour la Smart Cup, on aura l'occasion aussi de vous filer comme hier, et toute la semaine d'ailleurs, on aura l'occasion de vous enfiler, et bien évidemment, on va rembourser vos factures, ce sera tout à l'heure. Fun Radio paye vos factures, ce sera à 7h10, 8h10 et 9h10. On vous rembourse cash vos factures. D'ailleurs, pour vous inscrire, il suffit tout simplement de nous faire aussi un petit SMS au 6322, c'est 1€ le message, certes. Mais il y a quand même la facture à rembourser. Si j'étais vous, je ne mettrais pas des factures non plus de 5€, ça sert à rien. Alors 63,27 pour l'assurance habitation qui est arrivée. Là il y a également 75€ pour l'abonnement du solarium, 130€ pour une facture de téléphone, 200€ pour l'hôpital, 40€ pour Mobile Viking, c'est encore le téléphone. Bref, donc si vous voulez éventuellement qu'on vous rembourse vos factures, 63,22, débutez votre message par facture tout simplement. Et puis bien évidemment, 3 écrans plats à gagner ce matin, ou 3 consoles, oui, hein, ça c'est vous qui choisirez. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle de maintenant, quelle est la différence entre un homme et une tomate? Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Ouais, je me doutais. C'est une question de comment on peut dire, parce que j'avais donné la réponse là. Oui, c'est ça. C'est une question de, pas de vieillesse, mais d'intelligence, non, d'évolution. Oui. Voilà, je crois que c'est ça. C'est pas mal trouvé, cette évolution. Quelle est la différence entre un homme et une tomate? Si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat pour vous à gagner. Ou alors le pack Nintendo Wii avec la console et les manettes. Ça se passe au 63-22. Bonne chance tout le monde. Et puis dans un instant, on va s'écouter le son de Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro. L'info de Julie va arriver également dans moins d'une minute sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Et il est 6h29 sur Fun Radio, tous les matins 6h-9h30. On est en direct avec vous et on me confirme. Donc si la Belgique gagne, c'est bon. S'ils font match nul, la Turquie doit faire match nul ou perdre. Et si la Belgique perd, la Turquie doit perdre également. Voilà, donc ça va, on n'est pas encore non plus au bord de du drame. Tout est encore possible. Sinon, pour les réponses au niveau de la devinette qui colle que je vous ai posée il y a quelques instants, quelle est la différence entre un homme et une tomate pour gagner des écrans plats ou des packs Nintendo Wii? Alors, là, attends, c'est quoi? L'homme gonfle avec le temps et la tomate sèche. Ah, c'est une idée, mais c'est pas ça, non. Plus tu la presses, plus il y a de jus qui sort. C'est Gilles. Non, c'est pas du tout ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, il y a une bonne réponse qui est arrivée aussi, donc, mais bon, je vais pas la lire, évidemment, je vous laisse encore un petit peu chercher. 6322, quelle est la différence entre un homme et une tomate? Bonne chance, tout le monde, et on passe aux infos maintenant à 6h30 avec Julie et les mauvaises nouvelles. Salut à tous, aujourd'hui jour de rentrée parlementaire, à 11h30 les 8 partis qui ont participé aux négociations signeront l'accord institutionnel, pardon. Déjà bien fait, c'est parce que t'as pas commencé par tes infos, parce que par le fait que je sois peut-être malade, c'est important. Ça doit être ça, ouais. Tu es peut-être malade. D'abord Mickaël de Fun Radio est peut-être malade, et ensuite voilà. Les 8 partis qui ont participé aux négociations signeront donc aujourd'hui à 11h30 l'accord institutionnel présenté par Elio Di Rupo. Ah. Le formateur fera un discours à cette occasion. Notre pays sortira donc officiellement de la crise après plus de 480 jours sans gouvernement. Même s'il reste du pain sur la planche, il reste maintenant à trouver une coalition et cela va prendre encore quelques semaines. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées après l'annonce par Moody's de son intention de réévaluer la solvabilité de la Belgique. L'agence envisage également d'abaisser la note de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence a invoqué 3 raisons de revoir la note. La décision donc d'évaluer la solvabilité de la Belgique, la nécessité de connaître les plans budgétaires des régions et l'incertitude quant aux conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et communautés. Le panier de la famille augmente et s'élève aujourd'hui à 604,59 euros. Le panier de la famille est cet indice agrégé établi par le CRIOC et qui donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne au cours d'une semaine. Il valait début septembre 2 euros de moins. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33 euros. Et des bourgmestres flamands demande la suspension des convois de déchets radioactifs. Une dizaine de transports de combustible nucléaire usés, mais encore hautement radioactifs, sont prévus d'ici la fin de l'année 2012 et deux convois devraient relier ce soir la centrale néerlandaise de Borssele à l'usine de traitement de la Hangue en France, et donc qui passe par notre territoire. Les bourgmestres des 22 communes dénoncent le fait qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les autorisations octroyées à ce type de transport, alors qu'ils sont responsables de la sécurité de leur localité. Et puis enfin, en sport football, ben on en parlait ce matin déjà. Ce soir, les Diables Rouges affronteront l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012. Et mauvaise nouvelle, l'attaquant Igor de Camargo est touché au genou. Il est forfait. Les ligaments sont touchés, même si on ne connaît pas encore la gravité. 6h32 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde, on passe à la météo et on écoutera dans un instant Lucenzo et Don Omar. Nuageux, pluvieux, température quand même assez douce, hein, de 15 à 17 degrés. Demain, pareil, avec quelques éclaircies en plus sur le nord-ouest du pays, mais bonne nouvelle, jeudi, retour d'un anticyclone. Oui, ouais. Ça fait plaisir ça, bon et week-end en perspective normalement. Ouais, on aura pas mal de soleil. Ça fait plaisir, 6h33 sur Fun, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Alors, quelle est-elle ce matin? Alors, si je vous dis 174 000 euros, qu'est-ce que tu peux te payer avec ça? 174 000, bon, un appart. Ouais, en vrai. Une putain de voiture. Alors là, ouais, ça c'est sûr. Voilà. 174 000 euros, tu peux acheter pas mal de choses. Je sais pas, je verrai quand j'aurai gagné l'euro million. Eh bien, pour 174 000 euros, sache que tu peux te payer le plat le plus cher du monde. Ah, c'est génial, ça c'est une bonne idée, c'est-à-dire. Donc tu peux. On sent que j'ai l'air motivé ou. C'est un menu donc à 174 000 euros qui est proposé dans un restaurant à New York, un restaurant japonais, le Takashimaya. Mm-hmm. Il te propose évidemment, qu'est-ce qu'on peut se payer à ce prix-là, forcément des sushis et des sashimi. En plus, c'est les trucs que je déteste le plus. Ah, moi j'adore ça, mais bon, quand même, 174 000 euros. Alors pourquoi un prix aussi exorbitant? C'est que, en fait, le plat même dans lequel on te sert tes sushis, eh bien, il est en or. Oui, sauf que tu ne peux pas garder l'assiette. Si, ah, et tu peux repartir avec. Ah oui, donc d'accord. Il est quand même, c'est un carré en or massif de 3,3 kilos. Mais quand on fait un petit peu le calcul, donc ceux qui ont écrit l'article ont fait quand même le calcul, elles se sont rendues compte que si tu enlèves donc des 174 000 euros, le plat en or, quand tu sais le cours de l'or actuellement, etc., eh bien, les sushis restent quand même à 43 500 euros. Ah oui, comme c'est un beau prix, quoi. Alors que, tu vois, moi, je me contente sans aucun problème d'un bon quick. Ah ben voilà, tu vois. Tu vois, et au final, ça me coûte moins cher. Certes, tu manges pas dans une assiette en or, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, je trouve ça hallucinant, quoi. Ah, se payer le plat le plus cher du monde, alors que pour l'instant, on est un petit peu dans la mer un peu partout, eh bien, il y en a qui ont quand même réussi à proposer un menu à 174 000 euros. Voilà. Ceux qui sont milliardaires en euros, manger à 100 000 euros, c'est comme si tu vas bouffer à 10 euros. Hein. Oui, enfin bon, il y a quand même de la décence à avoir. Ah ouais, non, mais ça je dis pas le contraire, mais là, ils s'en foutent. Autant donner cet argent à une association. Ou à moi. Non. Autant tu me donner pas une association, argent. Mickaël. Oui, mais je pourrais, je vais en créer une d'ailleurs immédiatement. La fondation Sauver Mickaël. Tout à fait, ouais. Bon, allez, quelle est la différence entre un homme et une tomate? C'est, alors, je peux vous donner un indice parce que vous galérez quand même, ils sont tous les deux gonflés, c'est pas la bonne réponse. En général, on mange la tomate quand elle arrive à un certain point. Donc, quand elle est encore verte, on la mange pas. Il faut attendre qu'elle soit arrivée à... Voilà, en général, ouais, voilà, c'est ça. Et l'homme n'y arrive jamais. Et bah, si, il y arrive. Non, jamais. Mais si, il y arrive, non, justement. Jamais. Et on dit que les filles, on l'a avant les hommes. Ouais, et ça commence par un M. Allez, voilà, après, je peux vous donner plus d'indices. M aussi, ça fait Mickaël. Hein. Ça termine par un E. Ouais, dis donc, donne toute la réponse tant que tu y es. Ah ben, ouais, c'est ça. Allez, 6h35 et la bonne réponse au 63-22. Écran plat gagné comme chaque matin, on en a 3 ce matin, comme d'hab. Et Lucenzo maintenant, avec Danza Kuduro et Don Omar sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Et si vous aimez ce style de musique, Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, c'est le vendredi soir, faut rester sur Fun. Entre minuit et 1h, juste après Keep It Real et juste avant Party Fun, c'est l'Invasion Latina sur Fun Radio. Les meilleurs sons latinos, c'est sur Fun Radio entre minuit et 1h du mat, le vendredi avec Manu, comme ça vous savez tout. Je vous rappelle vite fait la petite devinette qui colle, puisque chaque matin, on vous file un écran plat par heure. C'est quand même pas mal, hein. On vous rembourse facture aussi, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant des factures, je voulais juste vous signaler que c'est des factures qu'on vous rembourse, certes, mais on n'est pas l'euro million. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'envoyer des factures parce que vous avez acheté un nouvel appart à 250 000 euros. Ouais. Bah, qui ne tente rien à rien. Hein. Non, non, mais je peux vous le dire. Non, ça on mort. Ne peut pas, ça ne marche voilà. pas jamais. C'est juste que le problème, c'est que si vous voulez, c'est qu'on a quelqu'un qui coûte une blinde dans cette émission qui s'appelle Julie, ah oui, qui a pris tout suis... le budget de l'émission, oh, de et donc grâce à elle, vous ne pouvez pas vous inscrire avec des montants aussi élevés. Donc n'hésitez pas à la remercier. Ah oui, bah oui. Voilà, donc en gros, c'est elle qui pompe tout le pognon, c'est normal, elle est journaliste. Et il n'y a pas de problème, elle a fait des études, oui, c'est oui, logique, il n'y a aucun problème. Tu veux dessus, c'est comme ça. Oui, je sais, ouais. Donc, quelle est la différence entre un homme et une tomate? Je vous ai dit que c'est en général, c'est qu'on mange la tomate quand elle est rouge et dure, donc elle a atteint une certaine. M, ça commence par un M comme Mickaël d'ailleurs. Et donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous n'hésitez pas, c'est un euro le message certes, mais il y a quand même un écran plat ou alors les packs Nintendo Wii à gagner. Bon, on va parler des Simpsons maintenant, puisque hier il y a eu une info, puis après il y a eu une autre info, mais l'émission était déjà finie. Donc bref, aujourd'hui on rappelle la bonne nouvelle au final. Voilà, donc hier on avait parlé de la série Dexter qui risquait de s'arrêter parce que l'acteur principal ne voulait pas baisser son salaire. Et exactement. J'avais évoqué l'exemple des Simpsons où les voix des Simpsons, parce que forcément ce ne sont pas des acteurs parce que ce sont des dessins, mais il y a des voix derrière. Ah ben ça n'existe pas. Ah, je suis désolée Mickaël. Oh, non, ben non, en fait c'est des petits dessins, mais il y a des monsieur et des madames derrière qui font les voix. Ah bon, moi je pensais que c'était vrai. Eh bien ces acteurs donc qui prêtaient leur voix ne voulaient pas baisser leur salaire, et donc ils ont raison. Les producteurs avaient annoncé la fin des Simpsons. Eh bien hier on a reçu une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé un accord pour finir donc sur le fil, quoi, parce qu'ils avaient dit ok, ils veulent pas baisser leur salaire, tant pis, on arrête les Simpsons. Donc je crois qu'ils ont joué un gros coup de bluff, ouais, c'est ça. Puisque les acteurs ont dit ok, c'est bon, d'accord, on veut bien diminuer notre salaire. Et je pense qu'ils voulaient le diminuer à la base, le producteur voulait diminuer de 45% le salaire des voix qui touchent quand même à la base, ils touchent 440 000 dollars par épisode. Et donc ils ont accepté quand même les voix. Et après tu vas me dire oui, mais bon, il y a un peu de décence quand même, hein, payer un repas à 170 000 euros. Donc ce qui fait donc effectivement 325 000 euros. Donc c'est ce qui touchait à la base, donc par épisode. Et ils voulaient pas baisser de 45% leur salaire. Non mais attends, la moitié, quasiment la moitié de 325 000 euros, mais il te reste plus rien. C'est ça, quand tu vois ce que je touche quand je fais du doublage, moi, que dalle. C'est horrible. Et donc du coup, ils ont dit ok pour 30% en moins et donc ils toucheront plus que 220 000 euros par épisode. Donc, ça c'est vraiment la dèche. Hein. Donc je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes par saison. C'est la dèche. Tu fais 220 000 fois plus de 20. Quoi. Ah bah ils sont, c'est le chômage qui les attend là. Hein. Donc il y aura bien une 24e et une 25e saison et c'est pas la première fois qu'ils se disputaient hein, sur le salaire. Il y avait déjà eu des tensions il y a quelques années. Mais bon, voilà, ils ont accepté de baisser le prix. Donc les Simpsons vont continuer encore pour deux saisons. C'est la bonne nouvelle, mais j'ai quand même une grande pensée pour tous les acteurs. Hein. Ouais. C'est vraiment, c'est très dur. Les pauvres, quoi. Ils passent de 325 000 euros à 220 000 euros. C'est très dur. Très très dur. Pendant que vous êtes en train de vous lever là pour aller travailler le mois complet pour en gagner 1000. Oui, oui. Allez, 1200 si je suis gentil. Très c'est dur. C'est très dur. Allez, 6h42, on a joué la bonne humeur. On va écouter David Guetta dans un instant. Avec Without You. Oui, je l'ai déjà dit, David. Voilà, David Guetta, ça va arriver dans un instant avec Sia. Donc Without You, 6h42, bon réveil dans un instant, c'est la nuit anti-relou. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors tiens. Comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Il est 6h46 sur Fun Radio, bon réveil. Et on va parler du trafic maintenant. Il se passe quoi sur les routes du Lille? Prudence, un camion est en panne sur le 411 Bruxelles Namur Luxembourg à hauteur de Weird. C'est donc en direction du Luxembourg. La première et la deuxième bande sont fermées au kilomètre 58.6. Et concernant l'objet encombrant sur le 411 Bruxelles Namur à hauteur de Overay, c'est bien, la chaussée est libérée. Très bien, bon bah bonne nouvelle alors. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, dites-le nous, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Ou alors par le mail, ça fonctionne aussi, c'est gratuit, c'est mikl@funradio.be. Message qui est arrivé aussi, qui fait plaisir. Je me réveille avec votre bonne humeur, continuez comme ça, bisous à toute l'équipe. Pour ça on est de mauvaise humeur, faut savoir qu'on s'insulte en antenne. Hein, c'est... De toute façon, on est une équipe de connards. Donc ah ouais, non, mais c'est clair. Sachent, quoi. Non, mais il faut le savoir. Il faut que les gens le sachent. Faut mais que ce soit officiel. Et amour. Mais oui, bien sûr, connasse. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, 6h47. On va donc pouvoir passer maintenant à la ligne anti-relou. Et là aussi, encore beaucoup d'amour, de paix et d'amitié, évidemment. Ah oui, le numéro. Oui. On n'est que ça, nous, le matin. 0-473-86-00-13. C'est le numéro de la ligne anti-relou que vous devez connaître par cœur, les mecs et les filles, sans problème, puisque c'est un numéro qui peut vous sauver la vie quand vous croisez un relou sur votre chemin, que ce soit dans un bar, dans un resto, en boîte, avec des amis, peu importe. Pour vous en débarrasser, en général, vous donnez votre numéro de téléphone, sauf que vous n'avez qu'un sourcil étant donné que bah forcément il va vous rappeler le lendemain, voire le soir même, et donc vous reprendre la tête. Alors que si vous donnez un faux numéro, et enfin en l'occurrence le nôtre, qui n'est pas un faux, il fonctionne vraiment, mais c'est pas le vôtre quoi, et ben vous allez avoir la paix, et après bah, il va pas vous rappeler forcément, puisqu'il n'y arrivera pas. Allez hop, on écoute maintenant le premier message, puisque du coup évidemment l'avantage c'est que le relou va tomber chez nous et que nous on diffuse les messages évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi, y a un problème? Ah mon dieu, oui, j'aime bien son. Ah non de Dieu. C'est parce qu'il a mis la ligne anti-relou, c'est pour ça. Allez, premier message. Allô Marichou, c'est JP. Alors voilà, hier on s'était donné un rendez-vous. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas non plus répondu à mes appels en absence. Alors moi j'aimerais bien savoir où on est notre relation. Je sais que t'es pas encore bien sûr. Je préfère les hommes ou les femmes, mais bon, à 16 ans, moi aussi, c'est encore le temps de décider. Moi, je sais que je t'aime. Alors au moins, rappelle-moi, venez. Ah, donc on sait pas. Il parlait à une fille ou à un mec là, on sait pas. Un mec là, je pense. Je crois qu'il parlait. Donc c'est un mec qui parlait à un mec. Ouais, je pense aussi, puisqu'il dit je sais pas si j'aime bien les hommes ou les femmes, mais bon moi je suis décidé. Oh mais y a pas de mal après la ligne anti-relou. Ah, il non, peut y mais... avoir des relous homo aussi. Hein. Moi je trouvais ce message pas relou quoi. Ouais, enfin il est quand même là, je t'aime bébé. Oui. Ouais, c'est, j'aimerais bien savoir où en est notre relation. Je veux dire, s'il a donné ce numéro là, c'est qu'elle doit pas en être bien loin quand même. C'est ça, c'est qu'elle vient de démarrer. Hein. Ouais, tu vois, l'autre, elle est relou nouveau. Et nouveau là, c'était mignon, il était amoureux. Bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de courage en fait dans ce message. C'est tu sens vrai. Qu'il se lance, l'autre, il est pas trop sûr de ce que l'autre peut penser. Bah oui, il se lance, il se lance, il se lance et il tombe. Ouais. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, Marianne, je t'appelle, ben voilà. À plus. Ah mais oui voilà. Non mais moi c'est comment je t'appelle et puis voilà. Voilà, bah ouais, allez, j'ai pas deviné, tiens, des trucs super idiots. Allez, troisième message et dernier de cette heure-ci. Ce soir, tout le monde devant la télé, pourquoi? Parce que d'ailleurs on voit rien. Voilà. Ah, excellent. C'est nul. C'est nul. Ah, donc en fait, il a reçu un numéro de quelqu'un et puis ou alors il nous appelle nous. Enfin, non, bon, écoute, ouais. Je sais pas très bien, mais bon, ça aurait pu faire une petite devinette, hein, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait pu. Bon, 6h50 sur Fun Radio, retour de l'Aligny Anti-Relou dans moins d'une heure. Je vous rappelle la devinette qui colle. Donc, quelle est la différence entre un homme et une tomate? Par exemple, Toff, en l'occurrence, c'est une belle différence, quoi. Il y a une très très belle différence. Attention, entre une tomate qui est rouge, qui est prête à manger, qui est donc une tomate, tu vois, bonne rouge. À manger, quoi. Ah ouais, oui. Non, mais je veux dire, bonne à manger, voilà. Donc la bonne réponse, ça commence par un M, et c'est une question de... Je vais donner quoi comme indice tout à l'heure, j'ai oublié. Tu m'as dit, ah, c'était un bon indice. Évolution. Évolution, l'évolution arrive à... Voilà, elle arrive à la fin, là, elle est prête à être bouffée. Elle est prête à être bouffée. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1€ le message et écran plat à gagner. On vous en offre un par heure toute cette matinée depuis plus d'un mois déjà, ça dure. Hein. Et on écoute David Guetta et Usher maintenant. C'est Without You sur Fun Radio, 6h51. Bonne matinée, dans un instant, on fait chez le monde. Bien sûr. Ah oui, avec plaisir. On va faire chez qui comme ça, juste en deux mots. On va faire chez toute la Belgique. Bah oui, non, mais je me doute bien, mais c'est pour avoir un indice supplémentaire. Mais tant pis, j'en aurai pas. Indice. D'accord. C'est tout le monde. David Guetta sur Fun Radio, l'instant avec Usher, c'était Without You, 6h54. Bon réveil tout le monde. Il y aura Nicky dans un instant également. Et puis, bah, je vous rappelle une dernière fois, la petite devinette qui colle, écran plat à gagner comme chaque matinée. Ou alors les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Quelle est la différence entre un homme et une tomate? Voilà, en général, on mange la tomate que quand elle est bien rouge. On peut donc dire qu'elle est arrivée à une certaine... Voilà, oui, et les hommes n'y arrivent jamais. Et les hommes n'y... Bon, si, ils arrivent souvent. Voilà, bon, c'est une sale vanne à la con, c'est tout. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et donc, les cadeaux à gagner, vous savez lesquels sont-ils. Donc, nous allons maintenant faire chier le monde. Et on appelle qui alors ce matin, Tom, du coup? Comme je t'ai dit tout à l'heure, on appelle tout le monde. Puisque donc j'ai fait mon petit calcul pour le rachat de Dexia. Comment ça t'a fait ton calcul? Bah en fait, donc si l'État pardon rachète Dexia 4 milliards... Bah, c'est fait, hein. Oui, donc que nous sommes 10 839 905... belge au dernier recensement, oui. Ça fait 370 euros par personne, enfants compris bien sûr. Donc bon, bah faut que tout le monde paye, hein, c'est la crise. Ah bah non, mais enfin bon, on est bien avancé, et puis de deux, tu vas pas faire payer les gosses. Bah si. Donc maintenant, faut que j'appelle les gens et faut que je leur dise c'est 370 euros par personne dans le foyer. Donc plus il y a d'enfants, plus ça coûte cher. Ah oui, pour le coup, c'est pas de chance pour les familles nombreuses. C'est ça. Ah ouais, ah ouais. Bon, bah d'accord, alors on va appeler où alors? Nous allons appeler à Braine-le-Comte. Braine-le-Comte, c'est très bien, on avait été faire un paintball là-bas, très sympa d'ailleurs, et on avait gagné face à l'équipe de Vince, la libre antenne le soir, je suis assez content. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à Braine-le-Comte maintenant à 6h56, allez hop là. Pas sûr que c'est de bonne humeur, tu leur annonces une bonne nouvelle comme ça. Enfin, on verra. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Durand, ministère des Finances. Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Oui, voilà. En fait, donc, je vous appelle au sujet. Donc, vous êtes au courant pour le rachat de Dexia, que l'État va racheter Dexia? Oui, alors? Eh bien, donc, comme vous le savez, donc, il faut trouver 4 milliards. Hein, et donc, nous avons décidé de demander à chaque Belge de contribuer à son niveau au rachat de Dexia. Et donc, vous devez 370 euros, monsieur. Oui, bien, envoyez-moi un courrier, monsieur. Hein? Donc, je voulais savoir comment vous comptiez régler, monsieur. Vous m'envoyez un courrier, monsieur? Oui, très bien, je vais vous envoyer un courrier, mais comment comptez-vous régler? Envoyez-moi un courrier, monsieur, je ne répondrai pas au téléphone. Oui, très bien, mais ça ne me dit pas comment vous voulez régler. Vous voulez faire un virement, carte bancaire? Je ne vous répondrai pas, monsieur. Oui, monsieur, très bien. Et donc, vous avez une préférence peut-être sur le mode de règlement? Monsieur? Oui, monsieur? Vous êtes bouché? Je vous ai demandé de m'envoyer... Non, monsieur, je travaille au ministère des Finances, je ne suis pas bouché, non. Ça ne m'intéresse pas où vous travaillez. Moi, je veux un courrier. Oui, j'ai bien compris. Et donc, vous avez une préférence peut-être sur le mode de règlement? J'enverrai mon argent au ministère des Finances, monsieur. Très bien, monsieur. Bah, écoutez, hein, vous êtes combien dans votre famille? Parce que c'est important, ça multiplie le nombre, hein, bien sûr. Et au revoir, monsieur. Ah, il n'a pas l'air très ouvert à Braine-le-Comte, hein, c'est dommage. Ah, il faut lui envoyer un courrier. Il n'a pas l'air très ouvert, il n'avait pas l'air non plus d'être contre le fait de payer. Il veut juste un courrier. Tu lui envoies, tu mets mon compte PayPal. Voilà. Et puis on voit ce qui se passe. Bon, c'est ce qu'on appelle du vol, hein, mais. Oui, c'est un petit peu. Oui, c'est même pas du vol, c'est de l'escroquerie, je pense, c'est ça. Oui, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont fait ça, hein. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Et ça porte sur des centaines de millions d'euros. Ah oui, quand même. Ouais, en fait, les mecs, ils volaient le courrier à la poste. Ouais. Ils ouvraient toutes les factures, ils refaisaient les mêmes et ils mettaient juste un autre numéro de compte. Envoyé à la bonne personne. Ah ouais, putain. Et donc les gens, ils ont payé genre leur facture Belgacom, leur facture de machin. Ah, il y en a qui font pas gaffe. Il y en a qui reçoivent, ils payent, tu vois, ils font pas attention de savoir s'ils l'ont déjà payé ou pas, tu vois, ils ont pas fait gaffe quoi. Bon, bah très bien. Tiens, bonjour à toute équipe, j'ai envie de faire chier ce type, voilà le numéro, pouvez-vous le faire chier s'il vous plaît, il s'appelle Momo, merci Miko, Mika, hein, Mika, excusez pas Miko. C'est Ahmed de Bruxelles. Bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire tout à l'heure, on va essayer peut-être de l'appeler aussi, peut-être avec Toff pour voir si effectivement on peut lui demander un peu d'argent. C'est normal, c'est vrai qu'il faut pouvoir payer Dexia, hein. D'ailleurs, Julie a proposé directement, elle a pas donné 370, elle a donné 500 elle directement. Oui, bien sûr. Quelle gentillesse, quelle bonté. Écoute, moi, la générosité, mais je ne peux pas m'empêcher de donner de l'argent. C'est évidemment, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on a cette bonté, cette gentillesse au niveau de l'argent que quand on est blindé. Dans un instant, c'est Liquidy sur Fun Radio. Je vous paye à bouffer après, Julie, ou pas? Quoi? T'as remarqué qu'elle a jamais ramené de petit-déj? Jamais. J'ai pas de thunes et. Oh là là là là là là là. Et tu dis que je suis blindé. Oh là. Mickaël à la radio. T'es radin, ouais. Assalamu alaikum, ici c'est monsieur Tom là. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Bon, 6h59 sur Fun Radio, dans un instant la réponse à la devinette qui colle, on va également vous rembourser vos factures, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme ce petit message qui est arrivé là, enfin ces petits messages car il y en a plusieurs, petit message pour le remboursement des factures, 30€ pour une commande de 3 Suisses et Marjolaine, 63,27€ pour l'assurance habitation, 146,68€ pour Belgacom, près de 60€ pour l'antivirus de son ordinateur, 30€ pour la pizza d'hier soir. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Voilà, si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par facture. 7h du mat sur Fun Radio, bienvenue à tous. Dans un instant, Liquidy avec I Follow Reverse et puis l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, aujourd'hui jour de rentrée parlementaire. À 11h30, les 8 partis qui ont participé aux négociations signeront l'accord institutionnel présenté par Elio Di Rupo. Le formateur fera un discours à cette occasion. Notre pays sortira donc officiellement de la crise après plus de 480 jours sans gouvernement. Mais il reste du pain sur la planche, il reste maintenant à trouver une coalition et cela va prendre encore quelques semaines. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées. Après l'annonce par Moody's de son intention de réévaluer la solvabilité de la Belgique, l'agence de notation envisage également d'abaisser la note de la région Wallonne, de la région Flamande, ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence a invoqué 3 raisons de revoir la note. Première raison, donc, évaluer la solvabilité de la Belgique. Deuxième raison, la nécessité de connaître les plans budgétaires des régions. Et puis l'incertitude quant aux conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et les communautés. Un train de déchets radioactifs va traverser la Belgique ce soir. Il passera à travers 26 villes et communes belges. Les containers contiennent 21 barres de combustible irradiés. Ils les transporteront donc de la centrale nucléaire Borselen des Pays-Bas pour les amener vers La Hague en France. 22 bourgmestres flamands ont demandé à la ministre de l'Intérieur et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, la suspension de ces transports de déchets nucléaires. Ils dénoncent le fait qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les autorisations octroyées à ce type de transport, alors qu'ils sont responsables de la sécurité dans leur localité. Le panier de la famille augmente et il s'élève aujourd'hui à 604,59€. Le panier de la famille est cet indice agrégé établi par le CRIOC et qui donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne. Au cours d'une semaine, il valait début septembre 2€ de moins. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33€. En France, journée de mobilisation contre le plan de rigueur. Plusieurs organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser et des perturbations sont attendues dans les transports en commun. Puis enfin, en sport, football, mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges qui affrontent ce soir l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012. Eh bien, l'attaquant Igor de Camargo est touché au genou. Il est forfait. Oui, c'est vraiment, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. 7h02 sur Fun, la météo. Nuageux et pluvieux, température quand même encore assez douce. C'est la bonne nouvelle de la journée, de 15 à 17 degrés. Peut-être quelques gouttes de pluie donc en Ardennes. Demain, pareil, avec par contre quelques éclaircies sur le nord-ouest du pays. Et puis la vraiment bonne nouvelle, c'est qu'on attend un anticyclone pour jeudi. Exactement. Donc, un beau petit soleil pour le week-end prochain. Avec un petit 17 degrés, c'est un petit soleil. Oui, mais les températures chaud, douces, mais... on les a déjà. Il y a déjà 17 degrés aujourd'hui. Mais là, on aura le soleil en prime. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien pour mi-octobre. c'est cool. Ah ouais, non, pas mal. Ça fait plaisir. Ouais. 7h03 sur Fun, c'est l'info en plus et c'est dans 20 secondes ainsi que le son de Liquili avec I Follow Rivers. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h03, l'info en plus, avant de payer vos factures dans quelques instants, au 63-22 pour les inscriptions, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, ça arrive dans 5 minutes. Quelle info en plus? Eh bien, est-ce que tu as été manger dans un resto à Moscou récemment? Ah non, j'ai jamais été à Moscou, mais j'aurais bien voulu. Hein. Eh bien, tant mieux pour toi, parce qu'un chef servait de la viande humaine dans son resto. Bah, ça se trouve, c'est bon. Hein. Ouais. Ah, écoute, on n'a pas goûté. Oh, quelle horreur. Mais écoute, un grand chef russe qui a été arrêté après avoir tué son frère et il l'avait servi comme plat aux clients de son resto. Tu me diras, c'est le meilleur moyen pour faire disparaître un corps. Hein. Tout le monde le bouffe. Bah ouais. C'est même le flic qui arrive. Écoutez, votre frère, écoutez, je vous invite au restaurant, venez. Bon, d'accord. Et bah, donc, c'est horrible. C'est après une violente dispute en septembre dernier, ah donc oui, il a tué son frère et il l'aurait servi à ses clients. Et une dizaine de clients auraient été victimes de cette tragédie. Ils auraient donc mangé le frère du chef coq qui leur avait concocté le petit plat. Donc, le chef a été... c'est très bon, là, votre plat, là. C'est nouveau. Ah ouais, mais je n'arrête pas définitivement. Même. Donc c'est une véritable histoire et donc il a été arrêté le chef, il a tout avoué et maintenant il subit des examens psychologiques. Sans déconner. c'est pas étonnant. Tu m'étonnes, le mec il a pété une durite hein, pour le ouais, coup. Non, mais, non, bon. Pour le coup ouais. Mais vraiment. C'est vrai que comme moyen de faire disparaître un corps, bien c'est joué. C'est pas mal, quoi. C'est soit le cochon, soit l'homme. Hein. Donc au final, c'est dans les dommage, deux cas, il s'est fait avoir. Ah, bah, c'est ah, il avait trouvé le truc. Quoi. Ouais. Mais le crime n'est jamais parfait. Ah non. Eh oui. Bon, enfin, sauf ceux qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais du coup, on peut pas savoir s'ils sont parfaits, c'est ça le problème. 7h05 sur Fun Radio. Bonne matinée, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Dans un instant, le remboursement intégral de vos factures au 63-22. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Depuis jeudi, tout s'est très très bien passé sauf hier avec un petit couac. Il y a une facture qu'on n'a pas réussi à payer parce que ça n'a pas décroché. Sinon, depuis jeudi, ça se passe plutôt bien. On est déjà quasiment à 2000€ de facture remboursée depuis le début de l'émission. Donc c'est plutôt un bon plan et on va essayer de continuer dans un instant. Le temps d'écouter le son de Liquili maintenant avec I Follow Rivers et juste après la réponse également à la devinette qui colle, que je rappelle encore un petit coup hein, si jamais vous avez la réponse, il y a toujours les écrans plats gagnés au 63-22 également. Quelle est la différence entre un homme et une tomate? Allez, bonne chance. 7h09 sur Fun Radio et Liquili sur Fun avec I Follow Rivers. Il y aura Britney Spears dans un instant et puis un vieux son aussi avec Alex Godino sera Destination Calabria sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, les factures on va vous les rembourser maintenant, ça me paraît pas mal ça comme plan ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mon dieu, oui, j'aime bien. Ah ça. Bah tiens, ah, non, de dieu. Il a l'air motivé, ouais. Il a l'air motivé. On parlera aussi de l'amour est dans le pré dans quelques instants, c'est passé hier, grand moment hier soir. Tous les matins Fun Radio paye vos factures. Très grand moment hier soir dans l'amour et dans le pré, donc c'était du très très lourd, très très lourd. Enfin bref, on vous en parle d'ici quelques instants, mais on va rembourser les factures maintenant. On va rembourser combien, Tof? Oui, meurs pas, hein. Donc? Allez, Tof, ça va aller. Combien? 30. Ah, d'accord, ok. Parce qu'on est en train de décéder, là. Facture de 33,44€, là, aussi, on s'est inscrit. Allô? Allô, bonjour? Oui. Bonjour, qui paye vos factures le matin? Mickaël. Mais oui, bonjour, comment ça va, comment tu t'appelles? Marjolaine. Comment tu t'appelles? Marjolaine, très bien Marjolaine. Tu t'étais inscrite pour contre rembourse. Ah oui, je me souviens de ton message, c'était les 3 Suisses, non, c'est pas ça? Oui. Eh oui, pour payer des vêtements, t'as acheté quoi avec 30 euros? Pas grand chose à mon avis. Le cadeau de mon copain. Le cadeau du copain, c'est quoi le cadeau du copain? Un god Michel? Ah oh, d'accord. Oh Dieu, bah quoi, on sait jamais. Hein. Non, j'ai acheté une chemise et un pull. Une chemise et un pull, oh, d'accord. Voilà, un cadeau beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage, oui, peut-être que c'est plus sage, mais après. J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai dit que c'était plus sage. Est-ce autant amusant? Je ne sais pas. Bon, bref, il faut aimer évidemment ce principe. C'est plus sage. Il n'y a pas de problème. Gartoff, il préférerait lui un sextoy. Ou une poupée gonflable, c'est bien. Ah oui, aussi, oui. Ouais. Bon, eh bien, Marjolaine, on va te rembourser les 30 euros, la facture, il n'y a pas de problème, on va t'expliquer comment ça marche. Et je te fais des gros bisous, Marjolaine. À toi aussi. Salut Marjo, à bientôt. Salut. Salut, salut. Bon, ben les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez qu'on vous appelle tout à l'heure à 8h10, c'est-à-dire dans une heure, 63-22 par SMS, vous débutez le message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Et la réponse aussi à la devinette qui colle, c'est juste après Alex Godino avec Destination Calabria. La devinette qui colle, je vous la rappelle une dernière fois, après on donne la réponse. Quelle est la différence entre un homme et une tomate? Destination Calabria, c'était Alex Godino à l'instant sur Fun Radio. Et nous allons maintenant donner la réponse à la devinette qui colle. La réponse est avec... comment s'appelle-t-il d'ailleurs, le monsieur ou la madame? Avec Christophe de Namur. C'est Christophe. Bonjour. De Namur. Bonjour Christophe de Namur. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Bon, bah, tant mieux. Bah, on va bien aussi. Hein, 7h15 là ce matin. On est plutôt à la cool, hein, Julien, en pleine forme. Ah oui, moi je suis entouré de deux malades ici. Un qui est bien malade et un qui est en train de tomber malade. Non, pourquoi tu dis ça? Non, ça va, ça va, ça va. De ce côté-là, j'ai je suis. J'ai peur que les microbes m'attaquent. Je suis réparé. Je suis réparé. Je suis réparé. Bon, Christophe. Oui. Alors, tu as la réponse à la devinette qui colle. Quelle est la différence entre un homme et. Enfin, des tomates et. Merde. Un homme et une tomate. Je vais y arriver. Hein. La maturité. Eh oui, la maturité, effectivement, hein, puisque les tomates, elles, elles arrivent à maturité. Alors que les hommes, eh bien, jamais. Bien évidemment. C'est bien connu. Mais oui, tout à fait. Bon, en tout cas, Christophe, grâce à cette énigme à la con, hein, tu peux le dire, hein, tu repars quand même avec Banny Crampla ou avec le pack Nintendo Wii, la console, les jeux et les manettes. Tu vas gérer tout ça au standard, tu choisis comme tu veux, pas de problème Christophe. D'accord, merci, c'est vraiment sympa. Eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Salut, salut, puis passe une bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Salut, à bientôt sur Fun, ciao. Bon, ben voilà, bonne chose de faite. On remettra le couvert dans un instant avec une nouvelle énigme que je vais vous poser d'ici 5 à 10 minutes pour repartir encore avec un écran plat. Et puis voilà, ben c'est le moment. Hop là, oula, c'est le moment, je vais dire, c'est le moment. Ah ben, y a plus rien qui marche. Ah bah ben ouais, bah ben, tout est nouveau figé, donc on va un petit peu attendre que la machine se décide. Ah, et on doit attendre comme ça? D'accord. Bah, j'attends, moi. Sinon, on peut faire une petite musique. Je pense que tu veux une musique un peu exotique parce que Doudou va arriver. C'est vrai que Doudou va démarrer. Donc, bon, on va faire Doudou avec l'autre musique. Alors, tant pis, parce que de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Hein. Donc, attends. Ah, voilà. Ah, attention. Voilà. Radio. L'horoscope. Eh ben voilà, c'est la machine la plus machine, rapide mais du elle monde. Elle est un peu malade aussi. Hein. Ah oui. C'est des petits microbes du mois d'octobre. Oui, tu pousses sur un bouton, 20 secondes après le son démarre. Moi je dis on est au top. Bon Doudou, on va faire l'horoscope, hein. On est pas en avance. Bah oui, mais pourquoi vous me demandez alors que j'ai pas le choix? Non mais c'est une façon de parler, c'est par politesse. Oui, mais vous pourriez simplement dire Doudou, on fait l'horoscope. Oui, mais enfin j'essaie d'être gentil avec vous Doudou, c'est tout. Non, si vous étiez gentil, vous m'auriez offert un thé ou un café avec un petit croissant. Oui, c'est ça, vous avez raison, Doudou. Bon, on fait l'horoscope. Bélier. Soyez plus économe. Ah, ça devient dur, là. Hein. Les taureaux. Une maladie psychosomatique pourrait vous attirer peine et ennui. Les gémeaux. Ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Ah, les cancers maintenant, c'est comme Julien. Alors attention, mesdames et messieurs, est-ce que ça va être un signe de merde ou pas? On va voir. Travaillez un peu plus à votre relation ces derniers temps, il y a du sable dans les engrenages. Ah, mais pas ça, du tout. Ah, ouais, si, bah, s'il faut écouter Doudou. Hein, il y a un moment. Moi, j'ai toujours raison, j'ai déjà toujours. Dit. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Je vais t'écouter Doudou. Bon, les lions. Oui. Les lions, ne pensez pas toujours si négativement. Les vierges. Les vierges, c'est un jour, les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Oui. Les balances. Vos possibilités financières iront en s'arrangeant si vous agissez avec habileté et détermination. Les scorpions. Un soi-disant bon projet s'avère être un échec cuisant. Mais en réagissant vite, vous limitez les dégâts. Les sagittaires. C'est grâce à votre persévérance et votre énergie que vous allez surmonter les difficultés, et sans problème. Les capricornes. Que pensez-vous d'un peu de vacances à la maison? Ah bah ça peut être bien, hein. Mais oui, je le dis. Ouais. Les Verseaux. En ce moment, vous n'avez pas de chance, désolé. Pas de bol. Et enfin, les poissons pour finir. Les escapades amoureuses ne sont pas en vue, et cela risque de durer encore un moment. Très bien, bon mais merci Loudou, on vous retrouve tout à l'heure. Mais oui. Bon bah tout à l'heure, et puis dans un instant, on va parler de l'amour et dans le pré, hein. Ça fait plaisir. Oui. Mais oui, il est content. Oh mon Dieu, oui, j'aime bien ça. Bah il est content. Bah non de Dieu, tant mieux, hein. Et puis on aura aussi Sébastien Loeb avec pour Mickaël réveille la Belgique. D'ailleurs, si vous voulez qu'il se déplace dans votre ville ou votre village, n'hésitez pas à nous envoyer le nom de la ville ou du village au 3044, hein, ou sur mickaël@funradio.be. 3044, c'est 50 centimes le message. Côté musique sur Fun Radio, Britney Spears débarque maintenant avec Criminal. Bonne matinée tout le monde, c'est mardi aujourd'hui, le 11 octobre, il est 7h19. Ah nom de Dieu. Britney Spears à l'instant sur Fun Radio. C'était Criminal. Petite balade tiens ce matin, 7h22. Bon réveil tout le monde. Je ne sais pas comment commencer cette cette petite rubrique de l'amour et dans le pré. J'ai tellement. Ah tu es excité là. Hein. Content, là t'as suivi hier et t'étais au taquet quoi. Oh là là là là. Je suis à peine arrivé dans le studio, il m'a fait j'ai regardé l'amour et dans le pré. Non mais c'était surréaliste. Attends, surréaliste. Mais il y a des messages et tout pendant l'émission. Non mais surréaliste, là. Surréaliste. Enfin bref. Bon hier c'était un grand soir, on peut vous le dire. D'ailleurs on vous en a déjà parlé. On a eu droit à un nouvel épisode évidemment de cette grande émission qui est l'amour et dans le pré. Bonjour, rentre comme chez moi. Ah bien sûr, fais comme chez toi, évidemment, n'hésite pas Julie, il y a aucun problème. Hein. Je te fais la bise délicatement. Oui, bah moi aussi Julie, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, hier soir, donc c'était les rencontres avec les fermiers, et donc c'était un speed dating de 5 minutes à chaque fois, hein, donc pas vraiment speed, mais enfin bon. Donc l'important, c'est de se mettre en valeur tout de suite, évidemment, vous connaissez tous le principe du speed dating. Je m'appelle Louis, oui. Si tu as un petit ennui, un petit souci, dis-le à Louis, c'est quasi-tandis gratuit.

trouver une coalition et cela va prendre encore quelques semaines. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées. Après l'annonce par Moody's de son intention de réévaluer la solvabilité de la Belgique, l'agence de notation envisage également d'abaisser la note de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence a invoqué trois raisons de revoir la note, dont la raison que les conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et communautés. La restructuration pourrait coûter plus cher que prévu à la Belgique. Un train de déchets radioactifs va traverser notre pays. Il passera à travers 26 villes et communes belges ce soir. Les containers contiennent 21 barres de combustible irradiés et les transporteront de la centrale nucléaire de Borssele aux Pays-Bas jusqu'à la centrale de La Hague en France pour être retraités. 22 bourgmestres flamands ont demandé à la ministre de l'Intérieur et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire la suspension de transport de déchets nucléaires hautement radioactifs qui transitent par leur commune. Ils dénoncent le fait qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les autorisations octroyées à ce type de transport alors qu'ils sont responsables de la sécurité dans leur localité. Le panier de la famille augmente. Il s'élève aujourd'hui à 604,59 euros. Le panier de la famille est cet indice agrégé établi par le CRIOC et qui donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne au cours d'une semaine. Il s'élève donc maintenant à 604,59 euros. Il valait début septembre 2 euros de moins. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33 euros. Et puis en France, journée de mobilisation contre le plan de rigueur. Plusieurs organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser. Des perturbations sont donc attendues dans les transports en commun. Enfin, sport, foot. Football, mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges qui affrontent ce soir l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012. Eh bien, l'attaquant Igor de Camargo est touché au genou. Il a déclaré forfait. Eh oui, bonne chance, ouais. Et puis mauvaise nouvelle aussi. 7h31 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant et on écoutera Avicii aussi. Pas du tout, on écoutera Peter Lutz avec Lina Rouge et Hands Up dans un instant. Nuageux et pluvieux aujourd'hui. Température quand même encore assez douce, de 15 à 17 degrés. Demain, pareil, avec quelques éclaircies sur le nord-ouest du pays. Et puis surtout, bonne nouvelle pour jeudi, un anticyclone va revenir nous apporter plaisir. Beaucoup de soleil. Et on a un beau week-end qui nous ouais. attend. Ouais, ça, c'est cool ça. 7h32 sur Fun Radio, c'est Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus maintenant. Alors, une info en plus qui m'a halluciné, c'est le plat le plus cher du monde et il coûte quand même. Ouais, je trouve ça un peu cher aussi, effectivement, le super suisse. Hein. Franchement, 4,80€ là, c'est un peu rêche. Eh bien, c'est beaucoup plus cher que ça. Ah bon ? C'est un menu proposé par un restaurant à New York, le restaurant Takashimaya. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un restaurant japonais. Ah bon ? Et il propose un menu à 174 000€. Ah oui, donc ça fait 200 000$ quoi, arrondi. Hein. Alors, c'est un petit peu cher pour un mélange de légumes, de sushi et de sashimi, mais le mélange de ce genre de mets, eh bien, est servi dans un plat pas tout à fait comme les autres, un plat en or massif de 3,3 kg et que le client peut quand même ramener chez lui. Oui, par contre, il doit aller faire la vaisselle pour le prix. Hein. Oui, non, ça non. C'est... Donc, tu commandes ton plat à 174 000€, tu reçois donc tes sushis dans un carré en or massif, bon, donc tu peux le ramener chez toi. C'est sushis en plus. Non, c'est super méga bon, mais alors... ça, c'est mon avis. Ah oui, mais tu as le droit d'avoir mauvais goût. Hein. Et alors, si on fait un petit calcul avec le prix de l'or actuellement, si on sait que le plat, eh bien, il est à 3,3 kg et on peut calculer avec le prix de l'or, etc. Eh bien, on se rend compte que si le plat est vendu, enfin, si le menu est vendu 174 000€ et qu'on enlève le prix du plat en or, eh bien, les sushis coûtent toujours quand même 43 500€. Oh, bon, ça va. Tout ça pour 4 morceaux de poisson, ouais, un peu de riz et des algues. Exactement, oui. Bon, bah, très bien. Bah, bon appétit, hein. Pendant que vous allez bosser, certainement, pour gagner 1 200€ pour le mois, là. Ouais, c'est ça. Il y en a qui dépensent 174 000€ juste pour bouffer un soir. Voilà. C'est pas mal. Bon, 7h33 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle là pour repartir ce matin avec un écran plat. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Attention, qu'est-ce qui est rond, chaud, d'où sort un liquide blanc et que l'on met dans la bouche? La bonne réponse au 63-22. On proposait un médicament ou un chocolat ou autre, lol. Oui, bah autre alors, hein, mais c'est toujours pas la bonne réponse. Une brosse à dents, non, pas du tout. Il y en a quelques-unes qui sont bien arrivées aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Brosse à dents, c'est la mauvaise réponse. Je l'avais déjà dit. Médicaments, c'est une mauvaise réponse. Un tube de lait sucré Nestlé. Non, pas du tout non plus, non. C'est en général destiné aux gosses. Voilà, aux tout petits. Hein. Tout petit. Voilà, donne pas plus d'indices maintenant. Je répète la petite question. Qu'est-ce qui est rond, chaud, d'où sort un liquide blanc et que l'on met dans la bouche? 7h37 sur Fun Radio. Tous les matins, nous sommes là en direct avec vous, avec Peter Lutz à l'instant et Lynn LaRouge. C'était Hands Up. À suivre dans un instant Avicii avec Florida and Levels. Et puis je vous rappelle, avant de faire le Mickaël réveille la Belgique avec Sébastien Loeb, la petite devinette de ce matin. Qu'est-ce qui est rond, chaud, d'où sort un liquide blanc et que l'on met dans la bouche? Voilà. Oui, c'est fait que pour mettre dans la bouche à la base. Hein. On proposait un sein maternel. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça du tout. Le lait lorrain. Ah non, le lait, pardon, c'est Lorraine de Namur. Le lait lorrain, je me dis, c'est quoi ce truc-là? D'accord, non, pas du tout. C'est pas le lait, bien que ça en contient en général. Hein. Un téton, non. Ça sert bien à la même chose, mais c'est pas ça non plus. Hein, voilà. Un sein, c'est pas la bonne réponse non plus. Un nichon. Ça m'étonne pas qu'il a mis à lui, tiens. Donc c'est pas la bonne réponse, mais effectivement, ça sert à la même chose à la base. À la base, bien sûr. Hein. Voilà, si vous avez la bonne réponse, écran plat à gagner. Ce n'est pas une brosse à dents. 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii. Nous récupérons maintenant Sébastien Loeb en direct de... Bah, je ne sais pas très bien où, mais pour faire un petit réveil à Belgique. Allô Loeb. Allô Mickaël. Oui, comment ça va? Bah ça va super, là bah, je suis caché en fait avenue de la Gloire. Avenue de la Gloire. Ouais, je me suis caché à l'arrière de ma voiture, j'ai les fenêtres légèrement ouvertes. Ouais. Et alors il y a un gros bâtiment et il y a plein de gens en fait qui font leur jogging. Donc le but c'est de crier comme ça, bah en plus il y a justement quelqu'un qui arrive. Eh bah parfait, donc, vas-y. On va laisser que je te faire taper. Allez, réveille la Belgique. Mickaël, réveille la Belgique tout le matin sur Fun Radio. C'est parti qu'un mégaphone. Oui, ça, on a bien compris qu'il avait un mégaphone. C'est pour préciser. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je vous rappelle que si vous voulez que Sébastien Loeb vienne chez vous, dans votre ville ou votre village, pour réveiller le village, réveiller la Belgique, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, 3044, vous débutez le message par réveil et vous laissez la ville ou le village où vous voulez qu'il vienne et il sera là, peut-être même dès demain d'ailleurs, qui sait, on sait jamais. Donc si vous voulez qu'il vienne, il se déplace également partout en Belgique, Sébastien Loeb, pour un petit réveil la Belgique. Quelqu'un est venu te casser la gueule? Non, personne. Mince, non, ah, déception totale. Il y a un jour, ça va venir quand même là. Mais oui. J'espère. Ouais, mais je vais me défendre, donc y'a pas de soucis. Bon, bah ça reste à voir, ça encore. Bon, très bien. Allez, à tout à l'heure, Sébastien Loeb, pour la déclaration express dans moins d'une heure. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc, vous le savez, 3044, si vous voulez que Sébastien Loeb vienne dans votre ville ou village pour faire la déclaration express, n'hésitez pas. 3044, n'hésitez pas non plus. Voilà, 7h40 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou que nous allons écouter avec grand plaisir, comme chaque matinée. Et puis, on fera un tour du côté de l'infotrafic avec des mauvaises nouvelles, Julie. Oui, bah comme d'habitude. Ouais, bah, bon, bah ça va arriver dans 5 minutes. Restez bien sur Fun. Et on va s'écouter Avicii aussi, je vous l'avais promis. Avicii et Florida. Avec Levels sur Fun Radio. Tiens, une réponse à la devinette qui colle, un pit de vache. On propose un gant de toilette aussi. Ah, ah. Oh là là. Ah non, pas du tout. La pensée aux enfants. À la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h44 sur Fun Radio, bonne matinée, c'est parti maintenant pour l'infotrafic, si jamais vous allez bouger de chez vous, eh bien écoutez bien les infos, histoire de ne pas prendre le mauvais chemin. Eh bien, accident sur le 17, en direction de Anvers, à hauteur de Zeendrecht, une bande est obstruée au kilomètre 98.8, accident sur le 17 toujours, mais dans l'autre sens, Anvers vers Gand, toujours à hauteur de Zeendrecht, c'est la bande de gauche qui est obstruée, donc je pense que c'est un gros accident merdier. Qui a été se mettre sur les bandes dans les deux sens, donc soyez très prudents, donc sur le 17. Gants Anvers et Anvers Gants. Donc faites gaffe si vous êtes sur cette route là évidemment. Et puis je vous rappelle aussi que si vous êtes témoin d'un problème, faites péter la solidarité de Fun Radio. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un bouchon ou même d'un radar qui serait planqué là, n'hésitez pas à nous donner l'info au 3044 de manière à ce qu'on puisse prévenir les autres auditeurs de Fun. 3044 par SMS ou alors mikl@funradio.be. Allez, on va se faire maintenant. Et bien la ligne anti-relou, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Ligne anti-relou, c'est tous les matins à 7h15, 8h15 et 9h15. Les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Grâce à vous, mesdames et messieurs, et oui, grâce à vous qui retenez ce numéro par cœur, le 0 473 86 00 13, numéro à retenir par cœur et à donner à tous les relous que vous allez pouvoir croiser, que ce soit en soirée, dans une boîte, avec des copains, des copines, bref, pour vous en débarrasser une bonne fois, donnez le numéro de la ligne anti-relou. Le gars va être persuadé que c'est votre numéro, aura cru avoir fait l'affaire du siècle, ne va donc plus vous saouler cette soirée-là, mais par contre va vous saouler le soir en rentrant chez lui ou le lendemain matin en vous appelant. Sauf qu'évidemment, il ne saura pas que c'est pas votre numéro. On va écouter d'ailleurs les premiers messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou. Écoutez bien ça. Oui, Enrico, c'est Marou. Dis, tu sais mercenner, parce que je viens me voir dans la Gazette du Blanc, qu'ils ont mes restaurants au Saveur du Sud à Châtelet, rue du Déverseur 21 de Mont-Apprenti sous contrat. Mais c'est pour moi savoir si toi, t'as été voir là-bas ou pas. Parce que si t'as été voir, ça me sert à rien, j'essaye de me trouver un restaurant. Bon. Oh, elle a l'air bien chiante. Ouais, hein. Elle a l'air effectivement très très chiante. Hein. Elle est bien bien relou la dame là. Hein. Très très chiante même. Hein. Bon, allez, bah, c'est pas grave, hein. On va remettre le couvert. Bah, elle est là pour ça aussi. Hein, oui, ouais. C'est vrai. Allez hop, on redémarre là, c'est parti. On écoute le message suivant. Allô Marichou, c'est JP. Alors voilà, hier on s'était donné rendez-vous. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas non plus répondu à mes appels en absence. Alors, bon, j'aimerais bien savoir où on est notre relation. Je sais que tu n'es pas encore bien sûr. Je préfère les hommes ou les femmes, mais bon, à 16 ans, moi aussi, j'ai encore le temps de décider. Moi, je sais que je t'aime. Alors au moins, rappelle-moi, mais... Rappelle-moi bébé. Donc voilà, où en est notre relation? Alors que bon, il vient d'avoir le numéro de téléphone. Donc normalement, enfin s'il a ce numéro de téléphone là, c'est que dans l'absolu, la relation elle est quand même pas vraiment confirmée quoi. Non, voilà. Je déconseille le je t'aime par téléphone si ça n'a jamais été dit en face. C'est ça, hein. Mais oui bébé, il n'y a pas de problème, ouais. Ouais. Et enfin dernier message, là c'est parti. Ouais Mariam, je t'appelle, ben voilà. Ah bah au moins c'est clair, hein, tu vois, c'est clair, rapide, on perd pas de temps comme ça. Hein. Hop là, c'est plié, je l'affaire dans le sac. À plus. Je t'appelle à plus. 7h47 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va faire chez le monde, hein, Toff. Bien sûr. Je rappelle que Toff, depuis ce matin, essaye d'appeler bah, des gens pour leur dire, après calcul en fait, que comme Dexia, comme l'État belge a racheté, donc on a racheté Dexia, il y a 4 milliards à trouver, donc 370 euros par habitant. Par habitant. Que hein. Ce soit de 0 à 100 ans. Voilà. Enfin, de 0 à la mort, quoi. Voilà, de 0 à la mort. Voilà. Zéro à bientôt mort. Bah oui. Donc voilà, il faut trouver 370 euros. On a essayé on a téléphoné à Brel Lecomte tout à l'heure. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. Le mec était ouvert, contre, mais hein, il était pas contre. Courrier, mais il voulait un courrier. Voilà, c'est ça. Donc on essaiera de rappeler d'ici quelques instants. Si vous avez des numéros de gens qui sont à peu près de leur sous et qu'on pourrait rappeler en direct là d'ici 5 minutes, n'hésitez pas à partager le numéro au 3044 et puis vous envoyez le numéro avec le nom de la personne et puis bah nous on l'appelle d'ici quelques instants pour lui dire que bah, c'est normal, il faut qu'il paye 370 euros comme tout le monde. C'est normal. Bah, attends, il faut bien racheter. Dexia. C'est le prix. Mais c'est le prix. Il faudrait qu'on arrive à trouver des clients Dexia pour dire que ce sera directement prélevé sur leur compte. Ah oui, bah tiens. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Bah oui, comme ça tu t'emmerdes pas, t'es déjà chez Dexia, c'est quand même plus simple. Je pense que les clients de Dexia peuvent être contents d'avoir toujours un compte chez Dexia. C'est vrai aussi, c'est vrai. Bon allez, on appelle dans quelques instants et on écoute Avicii Florida maintenant. Level sur Fun. Bonne matinée, 7h50. Le son d'Avicii sur Fun Radio avec Florida, c'était... J'ai oublié le titre, dis donc c'est dommage. Levels, voilà, c'est ça que je voulais dire comme titre. Ça y est, comme quoi, c'est revenu. Hein. Je ne suis pas si vieux que ça. Non, bah 7h52 non. Sur Fun Radio. Bonne matinée, Mickaël à la radio. C'est jusqu'à 9h30. On vous rembourse vos factures tout à l'heure. 63-22, débutez votre message par facture si vous voulez avoir une chance. Et bien qu'on vous les rembourse tout à l'heure, justement, comme des messages qui sont arrivés là. Salut, c'est Sandrine. Ben salut Sandrine, hein. C'est, elle a joué pour la facture, mais malheureusement elle n'a pas laissé le montant de la facture à lui rembourser, ce qui est quand même relativement dommage. 58 euros pour l'hôpital, 120 euros pour Luminus, 146 euros pour Belgacom. Il y a quoi également? 58 euros encore pour l'hôpital, deuxième message, facture de 33,44 €. Les impôts également à rembourser. Ah oui, Clearwire Internet, 29,98 €. Donc ben, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 63,22 € par SMS, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Alors c'est très bien, il y a plein de numéros qui arrivent, Toff, hein, tu vas être content. Ah. Dont un qui est arrivé ici, là. Appelez ma femme Caroline, elle est chez Dexia, mort de rire. Salut la compagnie, vous pouvez appeler Marie-Claire. Je ne connais pas plus Picsou que Marie-Claire, justement. Ah, bah, je vais appeler Marie-Claire. Mais oui, voilà, sinon il y avait un message, c'était appeler Marnik de Anderlecht, c'est un vrai radin. Très bien. Bon, voilà, on a c'est parfait, faire. On a de quoi faire. Bon, là, alors là, on avait déjà prévu un numéro, donc on va appeler celui-là, mais on appellera les autres tout à l'heure, rassurez-vous. Mais bien sûr. On va appeler où, du coup, on avait appelé à Brel Lecomte tout à l'heure? Gilly. Gilly, allez, oui, c'est parti. Gilly. Bah bon, bah Gilly, maintenant, c'est parti, on y va, on appelle. Je rappelle le concept. Donc, comme l'État belge a racheté Dexia 4 milliards d'euros, ce qui veut dire que nous avons racheté Dexia 4 milliards d'euros, et bah forcément, l'État doit trouver 4 milliards. Parce que je rappelle qu'il y a quelques jours, il ne savait pas trouver les 10. Hein. Oui, donc là, voilà, donc moi, 4 de plus maintenant. C'est... Bah, moi, j'ai fait le calcul et c'est assez simple, hein, ça fait 370 euros en fonds compris.

Les news sur Fun Radio à 7h59. Juste pour info, ce n'est pas une tétrelle, ce n'est pas du lait non plus qu'on cherche, ce n'est pas une tétine. Mais ça se met sur le bordel complet, hein, évidemment. Mais ce n'est pas une tétine. C'est, le bordel complet. Bah oui, mais je ne veux pas donner le nom complet. Donc c'est le merdier, là. Comment on appelle ça? Enfin, si, je sais comment on l'appelle, mais on ne peut pas le dire. Enfin, voilà, c'est la tétine qu'on met dessus. Voilà, ça s'appelle comment? Voilà. 63-22 pour la bonne réponse. Allez, 7h59, un peu avant les autres. C'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Elio Di Rupo. Salut. Elio Di Rupo rend public à 11h30 l'accord sur la réforme de l'État. Sorti de la crise, donc, pour notre pays, même s'il reste du pain sur la planche. Il reste maintenant à trouver une coalition. Et puis après les élections de 2010, les deux seules fonctions à pourvoir rapidement étaient les présidences de la Chambre et du Sénat, que les deux vainqueurs, le PS et la NVA, se sont partagées. C'est ainsi que la présidence du Sénat est revenue au NVA d'Annie Peters. Mais depuis, la NVA s'est mise hors jeu. Elle n'a pas participé aux dernières négociations et ne fera donc pas partie du prochain gouvernement. Un accord serait intervenu entre les 8 partis qui ont négocié une réforme de l'État pour que le CDNV présente un membre de son groupe à la présidence du Sénat. Le CDNV aurait l'intention de proposer sa chef de groupe, Sabine de Béthune. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées. Après l'annonce par Moody's de son intention de réévaluer la solvabilité de la Belgique, l'agence envisage également donc d'abaisser la note de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence a invoqué 3 raisons de revoir la note. La décision d'évaluer la solvabilité de la Belgique, bien sûr, la nécessité de connaître les plans budgétaires des régions et l'incertitude quant aux conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et les communautés. Un train de déchets radioactifs va traverser la Belgique ce soir. Il passera à travers 26 communes et villes belges. Les conteneurs contiennent 21 barres de combustible irradiés. Ils partent de la centrale nucléaire de Borselen aux Pays-Bas pour être transportés jusqu'en France à La Hague. 22 bourgmestres flamands ont demandé à la ministre de l'Intérieur et à l'Agence fédérale du contrôle nucléaire la suspension de ces transports de déchets nucléaires. Ils dénoncent le fait qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les autorisations octroyées à ce type de transport alors qu'ils sont responsables de la sécurité dans leur localité. Le panier de la famille augmente et il s'élève aujourd'hui à 604,59 €. Le panier de la famille est cet indice agrégé établi par le CRIOC et qui donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne au cours d'une semaine. Il valait début septembre un peu moins de 2 euros en moins plutôt. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33 €. Et puis en France, journée de mobilisation contre le plan de rigueur. Ce matin, hein. Aujourd'hui, il y a des mots très compliqués. Ah ouais, mobilisation, c'est pas super facile. Hein. Plusieurs organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser donc en France. Des perturbations sont attendues dans les transports en commun. Et puis ce soir, pour ceux qui ne le savent pas encore, les Diables Rouges affronteront l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012. Et puis mauvaise nouvelle, eh bien, l'attaquant Igor de Camargo est touché au genou. Il a déclaré forfait. Ah, j'espère un petit 2-1 là. Bien, pour qui? Bah pour la Belgique. Ah oui, tiens. Espérons, espérons. Mais non, mais les Allemands, ils ont tout fait, donc tu vois, ils vont peut-être pas se faire. Ils vont peut-être pas jouer à fond de balle non plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce qui c'est fou. Oui. Fond de balle, fond de balle. Football. Oh, j'essaye de mettre à niveau les autres radios, merde. Oh là là, je. Allez, 8h03 sur Fun Radio maintenant, c'est la météo. Nuageux et pluvieux, température encore quand même assez douce. C'est la bonne nouvelle de la journée, de 15 à 17 degrés. Demain, pareil, avec quelques éclaircies sur le nord-ouest du pays. Et puis surtout, la vraie bonne nouvelle, c'est l'anticyclone qui revient sur notre pays cool. À partir de jeudi et qui nous apportera beaucoup de soleil et donc un week-end ensoleillé qui nous attend. Ça fait plaisir. Bon, bah 8h03 dans un instant, restez là puisque nous allons écouter le son de Maroon 5 avec Christina Aguilera. On va rembourser vos factures également. Et puis l'info en plus dans 20 secondes. Bougez pas. Fun Radio. Fun Radio. Allez, 8h04 sur Fun Radio, c'est maintenant l'heure de vous inscrire aussi pour repartir avec vos factures remboursées. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans moins de 5 minutes pour vous rembourser votre facture cash, justement. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, 80 € pour le syndicat, 146 € pour Beliacom, 98,39 € pour Proximus. Qu'est-ce qu'il y a également? Voilà, 80 € pour un véhicule, 200 euros pour la cotisation football de mon fils, etc. etc. 63,22, code facture, bonne chance. Quelle est l'info en plus? Eh bien, l'info en plus se passe à Moscou et c'est un petit peu dégueulasse. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Oui. C'est un chef coq qui donc servait dans son resto de la viande humaine. Mmh. Donc c'est un chef russe, un grand chef russe. Notre chef, mais ça peut être bon. Hein. Oh, quelle horreur. Bah, on sait pas, on n'a pas goûté. Si on te sert le truc et que tu sais pas ce que c'est, tu vas manger, ça se trouve, tu vas dire c'est super bon. Avant, c'était du chat ou c'était de l'humain. Oh, c'était de l'humain, oui. Chose qui était un petit peu interdite. Hein, je n'ai pas dit que c'était pas interdit. Je dis peut-être que c'est bon, on ne sait pas. Eh bien écoute, moi je n'aurais pas voulu être à la place de ces clients. Donc on leur a servi. Donc une dizaine de clients ont mangé de la viande qui était en fait un être humain. En fait, ce grand chef russe a été arrêté après avoir tué son frère et l'avoir servi comme plat aux clients de son resto. Il s'était disputé avec son frère en septembre, et ben il l'a tué. Il s'est dit, comment m'en débarrasser? Eh bien, je vais le servir dans mon resto. Oui, et donc, son frère faisait partie des plats dans le resto. Je ne sais pas s'il était intitulé bœuf ou poulet, je ne sais pas. Mais en ou tout cas, spécialité maison. Ah, peut-être, mais c'était le plat du jour. Et donc, voilà, il a été arrêté, il a tout avoué. Très bien. Il a été placé dans un centre où il subit des examens psychologiques. Voilà, oui, mais tu m'étonnes. À mon avis, il va rester pendant un petit bout de temps. Hein. Ça, c'est sûr. Retour de l'info, ce sera vers 8h30. Je vous rappelle la devinette qui colle. Qu'est-ce qui est rond, chaud, d'où sort un liquide blanc et que l'on met dans la bouche pour poser une cigarette? Je ne vois pas le rapport. Hein. Certes, un peu chaud, mais liquide blanc. Faut chercher quand même. Et surtout pour les nouveaux-nés, alors là t'es au top mec. Hein. Oui, t'es au top. Un tire-lait, c'est pas la bonne réponse. C'est l'embout creux qui se visse sur le. Et là il met la bonne réponse. Non, c'est pas ça, on cherche le mot que tu as donné juste après. Ça commence par un B, c'est pour les bébés justement, tiens. 63,22, la bonne réponse, c'est un écran plat à gagner ou alors le pack Nintendo Wii. Bonne chance. Côté musique, avant de payer vos factures, on écoute le son de Maroon 5 maintenant sur Fun Radio avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger. 8h06, bon réveil et bon courage aujourd'hui, c'est mardi le 11 octobre. Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger sur Fun Radio, et on rembourse les factures tous les matins. Maintenant, Fun Radio paye vos factures. Allez, c'est parti, remboursement des factures comme chaque matin avec Daft Punk qui arrive aussi dans un instant. Ce sera One More Time, un bon petit souvenir qui fait plaisir aussi. Et puis on va rembourser une facture de combien là maintenant, Tof? 58 euros. 58 euros, très bien. Allez, c'est parti, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit par SMS au 63-22. C'est parti. Allez, on remettra le couvert évidemment, quoi qu'il arrive à 9h10. Et si ça décroche et qu'on répond bien à la question, c'est gagné. Ça démarre mal. Alors que tout à l'heure, ça a bien passé à 7h10. Hein. Bah oui, merci. Oui, bah oui. Ah, il y a des gens qui envoient des factures d'Exia de 370 euros. C'est bizarre ça, dis donc. Ah ouais, c'est le répondeur, dommage. Ah, pas de message. Quel accueil sur ce répondeur. Magnifique. Bon, bah bonjour, c'est Mickaël. T'étais sur Fun Radio et on t'appelait pour te rembourser tes factures. Il y avait 58 euros, je sais. Quelque chose comme ça, oui. 58 euros, je pense qu'on devait te rembourser. Malheureusement, tu n'as donc pas décroché. C'est bien malheureux. Tant pis pour toi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux. Et en tout cas, tu peux. Tous les autres auditeurs de Fun te remercient puisque grâce à toi, ils vont pouvoir s'inscrire dès maintenant puisqu'on ne sélectionne que ceux qui s'inscriront entre 8h10 et 9h10 pour tout à l'heure à 9h10. 63-22, débutez le message maintenant par facture avec le montant ainsi que l'objet de la facture si vous voulez qu'on vous rappelle en direct sur Fun Radio d'ici quelques instants. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, un échec ça peut arriver. Hein. Allez, 63-22, code facture, bonne chance tout le monde. Dans un instant c'est l'horoscope de Doudou et avant ça on va quand même donner la réponse à la devinette qui colle avec qui est là? C'est Virginie, 31 ans. De Hatte. Bonjour Virginie de Hatte, comment ça va? Bonjour, ça va? T'es en forme? Oui. Oui, très bien. Malgré le temps, oui. Ouais, mais il va s'éclaircir là après-demain. À partir de jeudi, ouais. Il va faire beau, tout ça et tout. Donc ça va être bien. Prévoyez d'ailleurs quelque chose parce que on n'est pas à l'abri que ce soit comme le dernier week-end où il fait presque 20 degrés avec du soleil en plein milieu du mois d'octobre. Il faut prévoir, on sait jamais. Bon, t'appelles de Hatte, donc 95.4 pour écouter Fun Radio à Hatte et tu as la réponse à la devinette qui colle, que je vais répéter quand même. Qu'est-ce qui est rond, chaud, d'où sort un liquide blanc et que l'on met dans la bouche? Un biberon. Eh ben, c'est un biberon, hein. Oh, bah, oui. Tous les gros pervers voilà, qui ont envoyé des messages. Plus oui, un sexe d'homme. Oui, c'est un sexe d'homme. Mais oui, un tire-lait également. Non, si c'était pas la bonne réponse. En tout cas, bravo à toi. Tu repars avec soit l'écran plat, soit le pack Nintendo. Oui, tu choisis ça au standard. Il y a pas de problème. Je te fais des gros bisous. Oui. Un grand merci. Et on embrasse tous ceux qui sont à hâte également. Salut, salut, à bientôt. Et puis on va Salut, au revoir. Ciao. Et puis on va s'écouter Daft Punk maintenant sur Fun Radio à 8h12. Bonne matinée dans un instant. L'horoscope de notre ami Doudou. On aura aussi le petit. Petite déclaration express dans un instant avec Sébastien Loeb. Daft Punk, One More Time. Le son de Daft Punk à l'instant sur Fun Radio, c'était One More Time. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et dans un instant, nouvelle devinette qui colle pour repartir encore avec un écran plat. Mais avant ça, évidemment, l'horoscope. Doudou, horoscope tout de suite. Oh là là là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là. Bah, on fait l'horoscope, Doudou, là. Vous voulez que je sois plus gentil? Ah oui, enfin là. Mais c'est pas possible, Mickaël ne sait pas être plus gentil. C'est ça, là, on est un peu proche de la dictature quand même. Ah, c'est un peu ça, oui. Bah, merci ça, de le reconnaître, hein. Doudou. Je suis le chef et on fait l'horoscope. Allez, c'est parti. Ah bon, bah c'est sûr, maintenant, je sais pourquoi j'étais pas fait pour faire l'armée. Oh, l'autorité devait pas être la première raison, mais enfin bon. Allez, les béliers. Soyez plus économes. Oui, ça va être dur, là. Les taureaux. Une maladie psychosomatique pourrait vous attirer peine et ennui. Les gémeaux. Ah, ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Les cancers. Travaillez un peu plus à votre relation ces derniers temps, il y a du sable dans l'engrenage. Ah, les lions. Ne pensez pas toujours si négativement. Voyez positif. Bah, il vaut mieux de temps en temps, ouais. Les vierges. Certains jours, les choses ne vont pas toujours comme on le veut. Les balances. Désolé. Ah, pardon, les balances. Vos possibilités financières iront en s'arrangeant si vous agissez avec habileté et détermination. Les scorpions. Un soi-disant bon projet s'avère être un échec cuisant. Mais en réagissant vite, vous allez limiter les dégâts. Ouais, c'est ça, les sagittaires. Grâce à votre persévérance et votre énergie, vous allez surmonter les difficultés sans problème. Les capricornes. Que pensez-vous d'un peu de vacances à la maison? Oh, ça... c'est bien, hein. Mais oui, ça vous fera du bien. Bah oui, Verseau. En ce moment, vous n'avez pas de chance, je suis désolé. Bah oui, c'est vraiment pas de bol. Et les poissons, on fait pour finir? Les escapades amoureuses ne sont pas en vue. Et ça risque de durer encore un bon moment. Bon, bah très bien. Bah merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Mais oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Un peu plus gentil avec moi. Mais oui, bien sûr. Bon, un petit infotrafic aussi. Bordel complet derrière la gare de Namur, apparemment. Donc si vous êtes dans le coin et si vous pouvez éviter cet endroit, surtout n'hésitez pas. Je vous annonce également maintenant la devinette qui colle. Quelle est la différence entre une caca et un clitoris? Si vous avez la bonne réponse, devinez que Julie m'a soufflé. J'étais en rate de deviner. C'est ça, donc... moi je n'ai absolument pas validé cette devinette. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? La bonne réponse vous permettra de repartir avec un écran plat ou alors avec le pack Nintendo Wii. La bonne réponse au 63-22. Je donnerai quelques indices tout à l'heure si je vois que vous galérez. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? Allez, bonne chance. Et puis on va écouter David Guetta maintenant avec Saya et Titanium sur Fun Radio. Bon réveil, il est 8h18. 8h22 sur Fun Radio, c'était le son de David Guetta, l'instant avec Saya et Titanium. Dans un instant, il y aura Mystery You avec DJ Abdel, ce sera Thank You, il y a 8h22. Nous allons vous rappeler maintenant la petite devinette qui colle. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice là? Julie va pas donner l'indice parce qu'elle boude, qu'elle voulait pas qu'on fasse cette devinette là. Je ne valide pas cette énigme. C'est un scandale. Du coup, elle boude, elle dit plus rien depuis qu'on l'a lancé l'énigme. Femme du monde entier, ralliez-vous à moi. Bon, alors un indice, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice? Julie, un indice. J'ai pas d'indice. Oh, genre. C'est vraiment dommage. Apéritif. Oui, apéritif, effectivement, oui, c'est ça, exactement, un apéritif. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? Bonne chance tout le monde, nous allons maintenant pouvoir jouer. En gros, on va faire la déclaration express. Voilà, déclaration express, maintenant c'est avec Cédric, 24 ans de Bruxelles, salut Céd. Salut à tout le monde, bonjour. Comment ça va? Ah, très bien, merci. Bah écoute, tant mieux. Cédric, 24 ans de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Et tu nous as appelé pour faire la déclaration express. La déclaration express qui devient mondialement connue. J'ai eu un appel de Z100, la radio à New York, qui voulait faire pareil. Je leur ai dit à vous faire foutre. Hors si de question. Le concept est très très cher. Ah oui, si c'est pour vendre, bien sûr. Hein, exactement. Oui, non, mais bien sûr. Non, sinon, j'ai dit non, on garde ça. On garde exclu. Non, y a pas de raison. Je rigole quoi. Non, mais attends. Bon, alors, on va faire maintenant la déclaration express. Cédric, tu veux qu'on appelle Alizé? Voilà. Alors, c'est qui Alizé? C'est ta copine? C'est une copine? Oui. C'est ma meilleure amie, en fait ma cougar, comme ça que je l'appelle. Ah non, ta cougar, parce qu'une cougar c'est une vieille en général. Cougar, voilà. Quel âge est-elle? Elle a 30 ans. Ah oui. Elle a 30 ans. Et donc elle aime bien les. Dis donc Cédric. Pour tous ceux qui ont 30 ans, ils t'emmerdent hein, quand même. Hein. Oh, c'est non, pas que je les aille. Il a 24 ans, donc forcément pour lui c'est une cougar. Ouais, bon, enfin, bon. Bah oui.

Et à 8h30, c'est l'info maintenant avec July. Salut à tous, Elio Di Rupo rend public à 11h30 l'accord sur la réforme de l'État. Sortie de la crise donc pour notre pays, même s'il reste du pain sur la planche, il reste maintenant à trouver une coalition. Et puis après les élections de 2010, les deux seules fonctions à pourvoir rapidement étaient les présidences de la Chambre et du Sénat, que les deux vainqueurs, le PS et la NVA, se sont partagées. C'est ainsi que la présidence du Sénat est revenue au NVA d'Annie Peters. Mais depuis, la NVA s'est mise hors jeu, elle n'a pas participé aux dernières négociations et ne fera pas partie du prochain gouvernement. Un accord serait intervenu entre les 8 partis qui ont, eux, négocié pour une réforme de l'État pour que le CDNV présente un membre de son groupe à la présidence du Sénat. Le CDNV aurait l'intention de proposer sa chef de groupe, Sabine de Bitume. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées. L'agence de notation envisage donc d'abaisser la note de la région wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a invoqué 3 raisons de revoir la note. La décision d'évaluer la solvabilité de la Belgique, la nécessité de connaître les plans budgétaires des régions et puis l'incertitude quant aux conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et communautés. Service minimum à la prison d'Andenne. Les délégués syndicaux de la prison d'Andenne et les membres du cabinet du ministre de la Justice, Stéphane de Clercq, se sont quittés hier soir sans aucun accord. Les syndicats avaient souhaité rencontrer le ministre à la suite de la quadruple invasion de dimanche, mais ils en sont ressortis déçus, évoquant un dialogue de sourds. Un train de déchets radioactifs va traverser notre pays ce soir. Il passera à travers 26 communes belges. Il relie les Pays-Bas à la France pour transporter 21 barres de combustible qui vont être retraitées à la Hague en France. 22 bourgmestres flamands ont demandé à la ministre de l'Intérieur et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire la suspension de transport de déchets nucléaires qui transitent par leur commune. Ils dénoncent le fait qu'ils n'ont aucun droit de regard sur les autorisations octroyées à ce type de transport, alors qu'ils sont responsables de la sécurité dans leur localité. Le panier de la famille augmente et s'élève aujourd'hui à 604,59 €. Le panier de la famille est cet indice agrégé établi par le CRIOC et qui donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne au cours d'une semaine. Il valait début septembre un peu 2 € de moins. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33 €. Et puis la Nouvelle-Zélande est menacée de la pire catastrophe écologique maritime. L'échouage d'un porte-conteneur dans une baie touristique menacée de marée noire est la pire de l'histoire du pays. De 130 à 350 tonnes de fioul lourd se sont déjà échappées du Rena, dont la coque menace de se briser et de libérer 1700 tonnes de carburant sur le récif Astrolabe, réputé pour la richesse de sa faune et de sa flore. Enfin, football, mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges qui affrontent ce soir l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012. L'attaquant Igor de Camargo est touché au genou, il a déclaré forfait. C'est la mauvaise nouvelle ça, 2-1 j'imagine, j'espère pour la Belgique. Dites-nous d'ailleurs si vous avez un pronostic pour la Belgique ce soir face à l'Allemagne. Enfin, c'est ça, 30-44, à votre avis les Belges vont-ils gagner? Et surtout, quel pronostic? On va voir un petit peu, on va faire un petit topo pour voir si vous êtes derrière la Belgique ou si vous y croyez ou pas. 30-44 par SMS, on attend vos messages. Et la météo, est-ce qu'on doit y croire ou pas ? Nuageux et pluvieux, température encore assez douce quand même, c'est la bonne nouvelle, de 15 à 17 degrés. Ah bah oui, demain, il fait beau, dis donc. Demain, pareil, avec quelques éclaircies en plus sur le nord-ouest du pays. Mais surtout, la vraie bonne nouvelle, c'est l'anticyclone qui va arriver sur le pays jeudi et qui nous promet un très très beau week-end. Ah, ça, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus, à 8h34. Oui, l'info en plus qui fait plaisir. Tof, est-ce que tu sais ce qu'on peut se payer avec 174 000 €? Avec 174 000 €. Un appartement. Un appartement, des prostituées. Une Audi R8. Beaucoup de prostituées alors. Oui, ça veut dire que là. Eh bien, maintenant, Tof, tu pourras te payer également le plat le plus cher du monde. Ah, c'est génial. Alors, ça fait cher pour manger Ça fait très cher, oui. C'est un menu donc à 170. Voilà, je vais mourir encore. Alors qu'il y a bon quick, hein. Bah oui. Pardon, bah, un menu ça. Donc tu à 170. Tu peux déjà en faire quelques-uns, celui-là. Tu peux acheter le restaurant, hein. C'est très cher, donc c'est un menu à 174 000 € qui est proposé par le restaurant Takashimaya de New York, un restaurant japonais pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Bien sûr. Donc on vous propose un mélange de légumes, de sushi et de sashimi, ça fait cher hein, pour 174 000 €. Alors non, tu peux le manger sur place, mais par contre la particularité c'est qu'il est servi dans un plat carré en or massif de 3,3 kg que bien évidemment le client peut emporter. Le client peut ramener chez lui. Ah bah heureusement, c'est trop cool dans ce resto là. Si on fait 200 000 € le repas. heureusement que tu peux emmener un souvenir. Ouais, mais alors justement, alors on a fait un petit calcul. C'est que si tu payes ton plat 174 000 euros, sushi compris, et que le plat en or massif pèse 3,3 kg avec le prix de l'or actuellement, si tu enlèves le prix du plat que l'on t'offre, quoi, bah, les sushis restent quand même à 43 500 euros, ce qui est quand même assez cher pour des sushis. Ah ouais, mais bon, c'est pas donné, ouais. Surtout que pour un truc aussi dégueulasse, enfin, moi j'aime pas. Hein, mais... Ah si, moi j'adore. Ça dépend où ils ont été pêchés. Hein. Ah bah peut-être dans la mer en or, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Mais enfin bon, même, hein, c'est-à-dire que même, ça vaut très très cher quand même. Bon, hein, c'est, bon. C'est hors de prix, c'est pour ça qu'il fallait en parler, parce que c'est, bah, surtout c'est avec le contexte de la crise actuelle, qu'on ose proposer un menu à 174 000 euros, il faut le faire. Ah, mais il y a des riches, il y a des gens qui ont les moyens. Hein. Bah, il faut s'occuper des riches, merde. Oui, non, bah, mais c'est oui, vrai quand même. C'est vrai, les pauvres, ils savent pas manger. Bon, sinon, il y a un message qui dit 12-1 pour la Belgique à FIFA 2012. Oui, bah enfin bon, en vrai, je vous parle. Hein. 3-1 pour l'Allemagne. Ah ouais, bah ça part mal, hein. Vous n'êtes pas forcément derrière la Belgique. Hein. Bon, dites-nous à votre avis le score de ce soir là pour Belgique face à l'Allemagne, le score, qu'est-ce qui va être le petit pronostic. Ça se passe au 30-44 et attention, on va vous rembourser vos factures aussi, c'est dans un peu plus dans une demi-heure à peu près, et puis on va donner la réponse aussi à la devinette qui colle. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? Il y a Arnaud par mail qui m'avait proposé aucune. Quand on en a goûté une, on veut toutes les manger. Non, c'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. 63-22, on a dit que c'était un apéritif. Voilà. Un apéritif amusant. C'est plutôt un autre mot pour apéritif, quoi. Ouais, c'est un autre mot. C'est un oui, apéritif, c'est un autre peu mot. La réponse, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pas la réponse, c'est un mot qui veut dire aussi apéritif, voilà. La bonne réponse au 63-22, bonne chance. Propose 1-1 aussi pour la Belgique. Espérez. Hein. Allez, Mister You maintenant, DJ Abdel, c'est Funk You sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 8h38. Voilà le son à l'instant de DJ Abdel et Mr. You. C'était Thank You tous les matins. On est là, hein, je vais dire tous les soirs. Donc pas du tout tous les matins. Nous sommes là, bien évidemment, entre 6h et 9h30. Mais par contre, on sera là également, en tout cas une partie de la semaine prochaine, le soir aussi. Quelle bonne nouvelle. Ah, c'est... Ah, tu m'annonces ça comme ça, toi. Mais je t'ai déjà dit, là. Non, tu m'as dit, il est probable qu'on fasse une semaine. Ah ouais, machin, non, parce que soir. Non, parce que vous comprenez, Vin, c'est un peu une princesse et donc il est un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il vient d'annoncer, là? Bah, bon, ah, t'as pas percuté non plus, toi. Non, parce que je suis en train de me concentrer, parce que apparemment, on va faire l'infotrafic. Attendez, moi je sors du studio. Ouais. Je reviens quand tu lui auras dit. Non, mais Vince est un peu malade. Donc, du coup, au moins dimanche et lundi, on fera le 20h minuit en plus. On fera matin et soir. Quoi. Ça va être cool, non, franchement, on va se marier. Quoi? Bon, prépare-toi à faire les trois autres jours aussi. Hein. Mais non, pas tous les jours non plus. Attends, tu nous annonces ça comme ça et on peut même pas prendre un peu de temps pour se. Tu veux que je fasse quoi? Préparer. T'as 4 jours pour préparer. C'est ça, c'est psychologique. Même plus de 4 jours. C'est une blague. 5 jours, mais vous allez voir, on va se marier. Ce dimanche, c'est? Ah, bah oui. Mais attends, le mec il nous annonce ça comme ça à l'antenne, mais c'est un grand malade. Mais c'est vraiment, on va te laisser tout seul, mais mon ça vieux. Va être bien. Un nous on va être dans notre lit, ouais. On va être en train de dormir, ouais, on va te laisser ça, ouais. Tout seul. Ah, on a un lit commun, non? Non, dans notre lit, chacun son lit. Ah oui, c'est une grande histoire d'amour, je savais qu'il y avait un truc entre deux là. Je le savais. Bon allez, l'infotrafic, vite fait maintenant, là, comme on a un peu de temps, on va prendre un peu d'avance. L'infotrafic, il se passe des trucs sur les routes ou pas, Julie? Alors attention, on nous signale de grosses files déjà sur le 42 Liège-Mons. C'est donc formation de file entre Injon et Dossou. D'accord. Et puis animal mort, c'est un renard mort, j'ai carrément tous les détails, c'est horrible. Sur la voie publique, donc sur le 40 Liège-Bruxelles, à hauteur de Zaventem en direction donc de Bruxelles, bande de gauche qui est obstruée. D'accord, très bien. Et puis on va se faire aussi la ligne anti-relou. Tiens, on est un peu en avance, ça fera pas de mal ça, ligne anti-relou. Allez hop. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Voilà la ligne anti-relou avec un peu d'avance pour une fois. Profitons-en. Alors, la ligne anti-relou, c'est les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0-473-86-00-13. Premier message. Ce soir, tout le monde devant la télé. Pourquoi? Parce que derrière, on voit rien. Voilà. Merci pour cette ça. Petite vanne. Merci de nous partager comme ça tes vannes bien. Très très recherchées. Comme quoi c'est un bon relou, hein. Oui. Avec des vannes aussi pourries, c'est un très très bon relou. Ouais. Allez, deuxième message de ce matin. Oui, Enrico Samaro, dis, tu sais mercenner, je viens me voir dans la Gazette du Blanc, qu'ils ont mes restaurants au Saveur du Sud à Châtelet, rue du Défenseur 21 de Mont-Apprenti sous contrat. Mais c'est pour moi savoir si toi t'as été voir là-bas ou pas. Parce que si t'as été voir, ça me sert à rien, j'essaye de trouver un restaurant. Bah bien sûr. Gros bisous. Ben voilà, c'est ça. Bon allez, gros bisous. Hein. Et puis dernier message. Allô Marichou, c'est JP. Alors voilà, hier on s'était donné un rendez-vous, tu n'es pas venu, tu n'as pas non plus répondu à mes appels en absence, alors moi j'aimerais bien savoir où on est notre relation. Je sais que tu n'es pas encore bien sûr si tu préfères les hommes ou les femmes, mais bon, à 16 ans, moi aussi, c'est encore le temps de décider. Moi je sais que je t'aime, Alors, rappelle-moi, bébé. Bah oui, c'est oui, c'est tellement mignon. Oh. Mais oui, c'est mignon. Bon, et ben voilà, c'était la ligne anti-relou qui revient demain, évidemment, en pleine forme, avec tous vos messages au 0473 86 0013. Quelle est la différence entre des cacahuètes et un clitoris? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, avec vos bonnes réponses. Toff avait donné un indice tout à l'heure. Apéritif. Voilà, c'est ça, c'est un apéritif. Et j'avais envie de rajouter, si tu ne sais pas la différence, continue à manger des cacahuètes. C'est ça. 63-22 pour la bonne réponse, et on revient dans un instant avec le son de Niro. Niro avec Promises. Et on va appeler encore des gens pour leur dire qu'ils doivent 370€ dans un instant pour sauver Dexia. Michael à la radio, sur Fun Radio. Il est 8h49 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio. On est ensemble comme tous les soirs. Comme tous les matins. Ouais. Ah, tu mélanges maintenant. Bah ça c'est sûr. De 6h à 9h30. Voilà. Bon, alors, nous allons donc appeler maintenant des gens. Vous avez été nombreux à envoyer vos messages pour qu'on appelle des gens pour les piéger. Puisque je vous rappelle que l'État a racheté Dexia pour 4 milliards d'euros. Et que Toff a fait un petit calcul. Ça revient avec le nombre d'habitants. À chaque habitant, celui qui vient de naître ou celui qui est presque mort, c'est pareil, il doit payer aussi à 370€ par tête. C'est ça. C'est à peu près. Ce qu'on va devoir payer chacun pour ce petit achat mirobolant qui ne sert à rien. Oui, c'est ça. Donc, alors du coup, on appelle où là maintenant alors? On appelle chez un numéro qu'on nous a donné. D'accord, on ne sait plus qui. Il n'y a pas de nom, mais par contre, elle a un compte chez Dexia. Ah, elle a un compte chez Dexia. Oui, j'avais demandé aussi si vous aviez des numéros de gens éventuellement à nous donner. Allez-y. Bon, c'est parti, on y va, on appelle alors. Allez hop là. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ministère des Finances à l'appareil. Oui. Oui, donc vous êtes cliente chez Dexia, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Donc je vous appelais, comme vous savez, l'État va racheter votre banque. Oui. Et bien évidemment, pour participer à ce rachat, il y a une petite contribution de chaque contribuable, qui est de 370€. Oui. Voilà, donc cette somme sera prélevée directement sur votre compte, donc vous n'avez rien à faire. Ça va être prélevé sur mon compte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, chaque contribuable belge va devoir mettre la main au portefeuille. C'est comme ça qu'on peut dire les choses. Oui, mais quand on a des problèmes, nous autres, qui nous envoient de l'argent, c'est pas l'État qui va nous envoyer de l'argent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, madame. Mais malheureusement, nous avons décidé de racheter à hauteur de 4 milliards d'Exia. Et donc, bien évidemment, vous comprenez qu'il faut bien trouver ces 4 milliards. Et le seul endroit où le trouver, c'est dans votre poche. Mais c'est toujours les petits qui sont toujours en train de payer pour les gros, comme d'habitude. Oui, c'est un petit peu ça, madame. Donc, bien évidemment, nous allons retirer 370€, comme à tous les autres dépositaires de Dexia, bien sûr. Donc, vous n'êtes pas la seule. Écoutez, moi, si c'est ça, je tire mon compte de chez Dexia, c'est tout. Moi, je suis pas d'accord qu'on me prélève comme ça 370€. Bien évidemment. J'ai déjà du mal comme ça financièrement et tout. Je commence à m'enlever de l'argent comme ça pour une banque. Moi, je n'en peux rien si les banques ont fait faillite. Oui, mais madame, réfléchissez. Il vaut mieux 370€. Réfléchissez, je veux bien, monsieur. Mais moi, me retirer 370€, moi, c'est impossible qu'on me retire 370€. Oui, mais écoutez, je ne saurais pas. Financièrement, je ne peux pas me permettre qu'on me retire comme ça 370€. D'accord. Donc, de toute façon, moi, je vous appelais juste pour que vous sachiez les choses. Bien évidemment, vous n'avez pas le choix, même si vous n'êtes pas d'accord. Malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est quand même malheureux parce que, c'est toujours les petits qui sont en train de trinquer pour les gros. Puis c'est quand même malheureux. Excusez-moi de ma réaction, mais on commence à en avoir un peu ras-le-bol parce qu'on est toujours en train de puiser sur les petits. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que les gros sont gros et que les petits sont petits, madame. C'est bien connu. Oui, monsieur, je veux bien, mais il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Eh oui, mais madame, vous savez, les riches sont faits pour être très riches et les pauvres très pauvres, c'est comme ça. Les riches sont faits pour être très riches, oui, c'est ça. Et nous autres, on va encore nous saigner de plus en plus, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Vous avez bien compris, madame. Écoutez, je vous remercie de votre collaboration, de votre compréhension. Et puis donc, nous pratiquons la petite saisine de 370€ sur votre compte. Oui, c'est ça. De toute façon, ce sera fini, monsieur. Je vais changer de banque. Au moins, comme ça, j'aurai pas d'emmerde. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir, madame. C'est dommage qu'il raccroche avant. Enfin, manquer quelques lèvres, celui-là, il m'énerve. Bon, on va appeler d'autres dans un instant. On va appeler d'autres. Il y en a plein des numéros qui sont arrivés d'ailleurs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes, si vous pensez connaître des gens qui sont un peu radins près de leur sous, qui seraient en train de râler. C'est même pas d'être radin. Qui aurait envie qu'on leur prélève Je sais pas. On fait ça après Niro. Niro sur Fun Radio avec Promises, 8h56. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. On est là en direct avec dans un instant les factures. On va vous les rembourser au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est dans moins d'un quart d'heure. On vous donnera la réponse aussi à la devinette qui colle pour repartir avec des écrans plats ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? Si vous avez la bonne réponse, 6322 également. Et on vous offrira donc l'écran plat si vous avez justement la bonne réponse. On avait dit que c'était une entrée. Non, pas une entrée, un apéritif. Voilà, c'est ça. C'est plutôt quel est le point commun, moi je dirais alors. Point commun? Ouais, quel est le point commun entre une cacahuète et un clitoris? C'est vrai, effectivement, ouais. Quel est le point commun? La bonne réponse au 6322. On avait appelé il y a quelques instants un numéro qu'un auditeur nous avait donné, puisque vous savez que depuis ce matin, on appelle les citoyens belges. Oui, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oui, pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils doivent payer 370 euros d'impôts supplémentaires par personne. Mais quelle bonne nouvelle. Ben oui, parce que forcément l'État belge a racheté Dexia et que bah forcément faut payer. Hein. Ah bah faut payer Dexia. Bah, l'addition elle est là, il faut la payer 4 milliards, hein, donc 4 milliards d'euros. Il faut les trouver, donc on a appelé tout à l'heure à 8h, mais on sait pas où. On avait appelé à Gilly, on avait appelé à Brenne Lecomte également. Bon bah là on va appeler à Wépion. Oui. C'est aussi un auditeur qui nous a envoyé le numéro de téléphone. Allez, c'est parti, appel direction Wépion maintenant. Hop là, voilà. On va appeler le boss. Oui, bonjour. Plus il est chez Lexia, je pense. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur, ministère des Finances à l'appareil. Ministère des Finances. Oui, voilà, je vous appelle donc au sujet du rachat de Dexia. Vous êtes au courant? Non, pas tout le temps, parce que je ne suis pas trop habitué. Ah oui. Bah donc en fait, donc vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais donc l'État belge va racheter la banque Dexia pour 4 milliards. Oui. Voilà. Et donc comme bien évidemment l'État, c'est vous, c'est nous. Eh bien, il va falloir participer à l'achat de Dexia. Hein. Et donc ça va coûter 370 euros par habitant en Belgique. Oui, ben ça va, je suis d'accord. Vous m'envoyez le virement? Eh ben très bien, monsieur. Vous souhaitez payer par virement? Ben écoutez, c'est parfait. Et je peux savoir pourquoi est-ce que vous me téléphonez de chez Dexia alors que je n'ai rien à voir avec Dexia? Ah non, ce n'est pas Dexia, monsieur. C'est l'État belge. Hein. Donc, ah, c'est l'État. Oui, c'est l'État. C'est l'État qui va racheter Dexia. L'État belge connaît mon numéro de portable. Ah, écoutez, oui, monsieur, puisque vous l'avez mis sur les pages blanches. Ah oui. Donc voilà. Hein. Donc vous êtes combien dans votre famille? 5. Vous êtes 5, donc très bien. Donc nous multiplions donc les 370 par 5, oui, ce qui nous fait donc 1600. Vous pouvez m'envoyer le virement tout de suite, je vais vous les payer tout de suite. Eh bien, écoutez, très bien, monsieur, je vous envoie ça immédiatement. Oui. Hein, écoutez, et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des contribuables qui sont prêts à aider l'État à ce niveau. Et c'est vraiment... Et aux ministres, on leur enlève aussi leur salaire aussi. Ah oui, 370 euros comme tout le monde, hein, monsieur. Qui se remplissent la poste et qui... Des ministres comme ça, c'est honteux. Et pas de gouvernement. Et alors après, on demande aux gens quand l'État rembourse les banques. Vous trouvez ça normal? Mais écoutez, monsieur, moi, vous savez, je ne me demande pas mon avis. On me demande juste de collecter. Hein. Donc moi, je collecte. Hein. Allez collecter autre part, monsieur. Voilà, donc... Et laissez les gens tranquilles le matin. Voilà, donc je vous envoie votre petit virement, oui, monsieur. Oui, envoyez le virement. Ouais. Envoyez mon virement. Envoyez dans toute la rue aussi. Oui, bien sûr, je vais appeler vos voisins, ne vous inquiétez pas. Au revoir, bonne journée. J'ai peur qu'on ne reçoive pas l'argent. Hein. Je crois que c'est mort. Je pense qu'il a fait semblant. J'ai peur que ce soit l'appel dans l'eau, c'est dommage. Bon, enfin, c'est dommage, c'est pas grave. Il était frappé au début. Il était chaud et tout. Attends, c'est quoi? Appelez ma grand-mère, ça va être comique. C'est Nancy de Genappe qui avait envoyé le message. Hein. Oui, bah peut-être qu'on remettra le couvert demain parce qu'au final, Dexia, c'est quand même une information qui peut venir sur plusieurs jours. Hein. Est-ce qu'on va arriver à récolter les 370 euros? Rien n'est moins sûr. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est l'info. Il y aura aussi les Deep Side DJs. Avec Never Be Alone, on va vous rembourser vos factures aussi dans un instant au 6322 par SMS, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Et on donnera la réponse à la devinette qui colle. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 9h01 sur Fun Radio. Passons maintenant à l'info avec cette grande information, puisque l'État va prélever 370 euros chez chaque personne. Non, ça c'est une blague de Toff. Ah pardon. Voilà. Je pensais que c'était ça. Bon, ben Julie, alors pour les infos. Par contre, les lieux du repos rend public à 11h30 l'accord sur la réforme de l'État. Sorti donc de la crise pour notre pays, même s'il reste du pain sur la planche, il reste maintenant à trouver une coalition. Et puis après les élections de 2010, les deux seules fonctions à pourvoir rapidement étaient les présidences de la Chambre et du Sénat, que les deux vainqueurs, le PS et la NVA, se sont partagées. C'est ainsi que la présidence du Sénat est revenue au NVA Danny Peeters. Mais depuis, la NVA s'est mise hors jeu. Elle n'a pas participé aux dernières négociations et ne fera donc plus partie du prochain gouvernement. Un accord serait intervenu entre les 8 partis qui ont négocié une réforme de l'État pour que le CDNV présente un membre de son groupe à la présidence du Sénat. Le CDNV aurait l'intention de proposer sa chef de groupe, Sabine de Béthune. L'agence de notation Moody's envisage d'abaisser la note des entités fédérées. Elle envisage donc d'abaisser la note de la région Wallonne, de la région flamande ainsi que de la fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence a invoqué 3 raisons. De revoir la note, la décision d'évaluer la solvabilité de la Belgique, la nécessité de connaître les plans budgétaires des régions et puis l'incertitude quant aux conséquences possibles de la restructuration du groupe Dexia pour les régions et communautés. Le médicament coupe-faim Isoméride aurait fait des dizaines de victimes en Belgique, dont un cas mortel dans les années 90. Deux éminents médecins le dénoncent aujourd'hui dans le journal Sud Presse. À l'époque, ils avaient déjà dénoncé les effets nocifs de l'isoméride, sans succès. Il a fallu attendre 1997 pour que le médicament soit retiré de la vente. Ce scandale refait surface alors qu'une commission parlementaire a enquêté ces derniers mois sur les effets nocifs du Mediator, un cousin de l'isoméride. Ce médicament a lui aussi été retiré de la vente. Les patients qui prenaient de tels médicaments risquaient des problèmes cardiaques dont les conséquences sont non négligeables. Service minimum à la prison d'Andenne. Les délégués syndicaux de la prison d'Andenne et les membres du cabinet du ministre de la Justice Stéphane De Clercq se sont quittés hier soir sans aucun accord. Les syndicats avaient souhaité rencontrer le ministre à la suite de la quadruple évasion de dimanche, mais ils en sont ressortis déçus, évoquant un dialogue de sourds. Le panier de la famille augmente et s'élève aujourd'hui à 604,59 euros. Ce panier est donc un indice agrégé établi par le CRIOC et il donne une estimation des dépenses nécessaires à une famille moyenne au cours d'une semaine. Il valait début septembre 2 euros de moins. Depuis sa création, il a connu une augmentation de 31,33 euros. Et puis enfin en sport, football, mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges qui affrontent, je vous le rappelle ce soir, l'Allemagne pour accéder au barrage en Euro 2012, match qu'il faut gagner. Et bien mauvaise nouvelle, l'attaquant Igor de Camargo est touché au genou, il a déclaré forfait. Ouais, ça pue d'ailleurs, continuez à donner vos pronostics aussi. Pour l'instant, les pronostics sont plus en faveur de l'Allemagne et c'est dommage que vous ne soyez pas derrière les Diables. Les pronostics pour le match de ce soir au 30-44, on fera un petit topo avant la fin de l'émission. Dans un instant, on va écouter Deepside DJs aussi avec Never Be Alone. On vous rembourse les factures également et on se fait d'abord la météo. Nuageux et pluvieux pour aujourd'hui. Température quand même encore assez douce, de 15 à 17 degrés. Demain, pareil, avec par contre quelques éclaircies sur le nord-ouest du pays. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que jeudi, un anticyclone arrivera sur le pays et il nous promet un beau week-end ensoleillé. Ça fait plaisir. Et ça, c'est une bonne, bonne nouvelle. Plaisir, exactement. Les factures, on vous les rembourse dans un instant sur Fun. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. 9h05 sur Fun Radio, c'est la dernière info en plus de ce matin. Une info en plus, il faut avoir le cœur bien accroché pour l'écouter. Parce que celle-là, je suis rien. Ah oui, écoute, ça se passe à Moscou et c'est un grand chef russe qui, dans son resto, eh bien, il a servi de la viande humaine. Oh, un détail. C'est un détail. Ah ouais, sauce béarnaise ou pas? Ça, je n'ai pas les détails. Archiduc, non, ah, c'est pas, malheureusement. C'est eh bien, en fait, il avait tué son poire, frère. Faut après, voir, hein. Parce que je peux expliquer l'info. Ah, pardon. Il avait tué son frère après une violente dispute en septembre. Et donc, pour se débarrasser du corps, il s'est dit, voilà, très bonne idée, je vais le servir à mes clients. Et donc, une dizaine de clients ont été victimes de cette tragédie puisqu'ils ont mangé de la viande humaine. Ils ont mangé son frère. Oui. Et donc, le chef a été arrêté et il a tout avoué. Il a été placé dans un centre et il subit des examens psychologiques. Bah, c'est ça, mais il a bien raison. Moi, je trouve ça un bon moyen de se débarrasser d'un corps. Ah, c'est clair. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais malheureusement, il a été pris. Ouais, là, ça a échoué. Mais après, sinon, dans l'absolu, c'est une bonne idée. Ah oui, non, mais cuisiner son frère pour le faire manger à ses clients, mais quel. Il n'y a pas de meilleure façon. Non, moi, je trouve c'est mieux parce qu'après, il y a des gens, ils les découpent, ils les jettent aux quatre coins de l'autoroute. Non, là, c'est bien. Au moins, c'est. nourrit des gens et tout. Non, ah ouais, non, ouais. C'est bien. Ouais. C'est, ah non, c'est, franchement... c'est beau son geste. C'est mais une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Tiens, message qui est arrivé aussi. Bonjour, c'est pour piéger mon homme avec Dexia. Merci à vous. C'est Laetitia. Je vous écoute. Voilà son numéro. Très bien, Laetitia. Alors, je ne sais pas si on aura le temps ce matin, mais on mettra le couvert demain. Vous inquiétez pas. Dès 6h, on va rappeler les gens pour les emmerder à propos de Dexia là. Et puis, on proposait aussi pour les factures 350 pour Dexia. Oui, malheureusement, tu as fait une petite erreur. C'est 370. Hein, parce oui. que si tout le monde met 20 euros de moins, on va se retrouver avec pas mal de millions dans la tronche. Hein, donc, mais c'est une blague. Hein. Donc, ah non, on va vraiment continuer jusqu'à ce qu'on reçoive un virement. Hein. Ah d'accord. On va y arriver, t'inquiète pas. D'accord, okay. Ah bah oui. Bon, si vous voulez inscrire vos copains, copines, connaissances, grands-parents, parents, etc., qui sont à peu près de leur sous et qui sont du style à s'énerver rapidement, demain on les appelle pour leur faire croire que chaque habitant de la Belgique doit payer 370 euros pour arriver aux 4 milliards, puisque la Belgique a décidé d'acheter la banque. Et bon, bah, il faut bien trouver des pigeons pour payer. Et nous avons trouvé des pigeons. 10 millions de pigeons. On trouve tout ce que vous voulez, nous. Ah ouais, pas de problème, il suffit de demander. 9h07 sur Fun, on vous rembourse les factures dans un instant. Le temps d'écouter un son découvert sur Fun Radio. Les Deepside DJs, maintenant, Never Be Alone. Bonne matinée, 9h07, c'est mardi aujourd'hui. Deepside DJs sur Fun Radio avec Never Be Alone. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Tous les matins, 7h10, 8h10, 9h10. Alors ça s'est bien passé aujourd'hui à 7h10, un peu moins bien, enfin vraiment mal d'ailleurs à 8h10, puisqu'on s'est tapé un répondeur, mais c'est pas grave, remettons le couvert dès maintenant. On va essayer de faire gagner quelqu'un. Là maintenant à 9h10, on appelle quelqu'un pour lui rembourser sa facture et on va rembourser combien Toff là ? 48,73€. 48,73€, si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question que je lui pose, c'est gagné. Question pas trop compliquée, je vous le rassure directement. Même pas. Allô ? Allô, bonjour ? Oui ? Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Oui, c'est génial. Non, mais qui paye les factures le matin ? Attendez, parce que je suis dans mon bureau de travail ce soir. J'ai une demi-minute, comme ça je peux crier très fort. C'est pas grave. Non, mais j'ai d'abord besoin de savoir qui paye les factures le matin. J'ai besoin d'une réponse. C'est Fun Radio. C'est Fun Radio. Eh, tu peux crier un jour. Va te faire foutre, patron. Bien crier fort, non? Non. Allez. Et je double ta facture. Je crie. Va te faire foutre, mon patron. Non, je crie. Enfin, voyons. Hein. Il faut crier beaucoup plus fort, là. Voyons. Tu travailles où, là, dans un bureau? T'es où? Je travaille dans un CPS. Ah, dans un CPS. Alors, oh. tu viens de prendre de l'argent, ce sera mal vu, là. Oui, venez. Effectivement. Mais on est pauvres aussi, hein, nous qui travaillons au CPS. Je me doute bien. Bon, c'est pas grave. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne Poula. Anne, c'est ça, bon, nom de famille, c'est pas Anne. Anne Poula. Oui, Anne, c'est très bien quand même. T'es dans quelle ville, Anne ? Je suis à Verviers. À Verviers, très bien, à Verviers. Cette belle ville de Verviers. Mais oui, Verviers, il n'y a pas de problème. C'est sur 105.7 qu'on écoute Fun à Verviers. Et tu t'es inscrit donc pour choper la facture. Facture de 48 et des brouettes, c'est ça ? Oui, j'en ai payé 3, donc je ne sais pas trop bien laquelle vous payez. 48,77, c'est ça, Toff ? 48,73. Bah très bien. Eh ben on va te rembourser ça. C'est pour payer quoi ? C'est génial. Ben, je ne sais pas, j'en avais envoyé 3, mais je crois que c'est peut-être ma facture télé ou quelque chose comme d'accord. ça. D'accord, bon bah tu verras, après peu importe, c'est pas très grave. 48,73, c'est pour toi, on va te faire le virement, tu vas recevoir ça sur ton compte Rapidos. Merci, non, mais c'est je t'en voiture. Prie. C'est mon assurance voiture. Eh ben voilà, c'est l'assurance voiture, c'est très bien comme ça. Eh ben gros bisous, merci. Anne. C'est génial, merci. Avec plaisir, Anne. Gros bisous à Verviers, 105.7 pour écouter Fun à Verviers. À bientôt. Et on remet le couvert, au revoir. Et on remet le couvert dès demain, bien sûr, à partir de 6h du mat. Demain, ça va être du très très lourd aussi, puisqu'on va rappeler avec Dexia, là, le bordel, là. On va rappeler également pour les factures. Donc inscription, allez-y. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que nous allons encore une fois parler de l'amour et dans le pré. Alors ça, je dis encore une fois car on en a parlé en tout début d'émission. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était tellement bon qu'on va en reparler. Ah, on ne peut pas vous voir. Ah ben on peut pas passer à côté, mais c'est évident. Surtout avec l'autre là. Enfin bref, je vous en dis pas plus. On en reparlera. Mais si vous êtes là jusqu'à maintenant, restez 10 minutes de plus parce que c'est très très lourd, très très lourd. Et on écoute Enrique Iglesias maintenant avec Pitbull. I like how it feels sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. À la radio. It's my time. Enrique Iglesias sur Fun Radio avec Pitbull. I like how it feels. Tous les matins sur Fun Radio, on est en direct avec vous évidemment. Ah mon dieu, oui, j'aime bien son. Ah nom de dieu. Ah bah ouais, tiens. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. On est en direct pour l'horoscope maintenant avec notre ami Doudou. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites, Doudou là? Bah, Je viens de créer mon ASBL hein, pour venir en aide aux marabouts maltraités dans les émissions de radio. Et là, je prépare ma première manifestation. Mais il y a beaucoup d'adhérents, là, votre ASBL hein? Bah, pour le moment, il y a moi et moi. Mais j'attends le soutien d'une certaine Joëlle qui a dit qu'elle allait venir pour me défendre. Eh ben, bon, bah, en attendant qu'elle arrive, on fait l'horoscope, là. Hein. Ah, allez, oui, les béliers. Pas le choix, hein, bah, oui, non, ça, c'est sûr. Oh là là, pauvre doudou, vous êtes maltraité. Je prendrai le fouet pour demain. Les béliers. Soyez plus économes. Bah, oui. Les taureaux. Une maladie psychosomatique pourrait vous attirer plein d'ennuis et de problèmes. Plein de... d'ennuis et de problèmes. Ah, je croyais plein de nuits. Mais moi aussi, je croyais plein de nuits. C'est bien ça, plein de dodo. Il doit être taureau, dodo, à mon avis. Mais non, c'est plein d'ennuis et de problèmes. Bon, vous devriez aller vivre au pôle Nord pendant l'hiver. Il fait nuit tout le temps. Ah oui, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, dormir. Mais dormir pendant 6 mois. Ah oui, d'accord. C'est moi, une idée. Hein. Ah bah oui, c'est pas mal. Mais je me doute. Les Gémeaux. Vous croyez que je vis deux fois plus longtemps? Ah non, non, à mon avis, non. Peut-être même deux fois moins longtemps, hein, mais bon. Bon, les Gémeaux. Ah, ce n'est pas une bonne période pour lier de nouveaux contacts professionnels. Les Cancers. Travaillez un peu plus à votre relation. Ces derniers temps, il y a du sable dans l'engrenage. Les Lions. Ne pensez pas toujours si négativement, ça ne sert à rien. Les Vierges. C'est un jour, les choses ne vont pas toujours comme on veut. Les Balances. Vos possibilités financières iront en s'arrangeant si vous agissez avec habileté et détermination. Les Scorpions. Un soi-disant bon projet s'avère être un échec, mais en réagissant vite, vous limitez les dégâts. Les Sagittaires. Grâce à votre persévérance et votre énergie, vous allez surmonter les difficultés sans aucun problème. Les Capricornes. Que pensez-vous d'un peu de vacances à la maison? Mais oui, ça vous ferait du bien. Ah, en général, on dit pas non. Les Verseaux. Oui, je le savais. En ce moment, vous n'avez pas de chance. Et oui, je suis désolé. Ben oui. Et enfin, les Poissons. Les escapades amoureuses ne sont pas en vue. Et cela risque de durer encore un bon moment. Bon, ben merci, Doudou. À demain. Ben oui, à demain. Allez, dans un instant, l'amour est dans le pré. On va en parler justement. Tiens, ben oui. Ah, nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah, nom de Dieu. Ah, je m'en doutais. On en parle dans un instant de l'amour est dans le pré. Et à 9h20 sur Fun Radio, bonne matinée. C'est DJ Fresh qu'on écoute maintenant. Loader. Ah, pardon, vous n'étiez pas encore réveillé? Ah, je suis désolé, hein, mais morceau ça, est parti fait. Tout seul. Voilà. DJ Fresh à l'instant. C'était Louder sur Fun Radio. Dans quelques instants, eh bien, Lucas va débarquer pour le self, comme chaque matin à 9h30. Vous ferez la prog avec lui, vraiment, hein. C'est, vous l'écoutez un 10, vous lui demandez, il va le passer, hein. Ça se passe donc sur lucas@funradio.be ou alors par SMS au 3044 en débutant le message par self, tout simplement avec le morceau que vous voulez écouter et vous lui envoyez ça au 3044 en débutant par self. C'est 50 centimes le message. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle de ce matin, bien sûr, pour repartir avec un écran plat. Et puis, hier, c'était évidemment un grand soir. On a eu droit à un nouvel épisode de cette grande émission qui est L'amour est dans le pré. Bon, je rentre, hein, je fais comme chez moi. Oui, oui, bah, bien sûr, bah, rentre, évidemment, tu fais comme chez toi, Julie, il n'y a pas de problème. Je fais la bise délicatement. Oui, bah, moi aussi, pas de problème. Hein. Donc, hier soir, c'était les rencontres avec les fermiers. C'était un speed dating de 5 minutes à chaque fois. Pas vraiment speed, mais enfin bon, c'est le nom, quoi. Donc, l'important, évidemment, c'est de se mettre en valeur tout de suite. Et Louis, il a compris. Je m'appelle Louis. Oui. Si tu as un petit ennui, un petit souci, dis-le à Louis, c'est quasi tandis gratuit. Eh oui, voilà. Ça, ah oui, d'accord. Ça oui. Vaut l'autre ch'ti à Ibiza qui dit je viens de Tourcoing, coin, coin. Hein. C'est, il a dû le préparer pendant un petit bout de temps, évidemment, c'est l'autre tout ami Louis. Hein. Eh oui. Bon, sinon, il y a eu aussi une autre méthode, c'est de dire directement ce qu'on aime chez l'autre. Ce que j'ai vu de toi m'a plu. Ton chien, j'aime beaucoup ton chien. Voilà. Trouvez l'erreur. Hein. Ce que j'ai vu de toi m'a plu. Ton chien. Oui. Ça doit faire plaisir quand même de savoir que ce qui plaît c'est son kleps. Hein. J'aime beaucoup les poils. Hein. Ouais, c'est ça, les mais poils. Elle n'a pas barbe. Trouvé de compliment, donc elle a dit ton chien est très très bien. C'est ça. Et maintenant, faut qu'on passe à la star de l'émission d'hier. Le mec, il a tout compris sur comment séduire une femme et la mettre en confiance. Mm-hmm. Écoutez, bah, Julie rencontre quelqu'un, elle lui pose une question, et s'il répond ça, je pense que l'affaire est dans le sac. C'est caisse, ça. Bah, bien sûr, c'est écoutez. Caisse, il y avait longtemps que j'avais entendu ça. C'est caisse. Mais écoute, je pense que ça, c'est un mot qu'on peut utiliser avec ce genre de personne. Ah oui, c'est vrai, c'est caisse. Allez, écoutez bien. T'es déjà passé à la TV? Oui. Ah oui? Donc quoi? Comment, une émission ou quoi? J'ai passé une cour d'assises. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Et je l'ai malheureusement tué. Non mais c'est ouf. Non mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel quoi, sans déconner. C'est génial. Ce qui est énorme, c'est remets-le, écoutez bien la voix de la meuf au début. Au début, c'est génial. Oh mon Dieu, c'est une star. Écoutez bien, après elle est déçue. T'es déjà passé à la TV? Oui. Écoutez, ah oui? Ah ouais, super. Comment, une émission ou quoi? J'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Ouais. Et je l'ai malheureusement tué. Alors, qui dit, il pose bien ses mots quand tu vois, je l'ai malheureusement tué. Tu vois, c'est même pas, il essaie de mettre ça sous le tapis, vite fait, ouais, j'ai buté mon patron, allez hop, on passe à autre chose. Non, je l'ai malheureusement tué. Je suis vraiment désolé, c'était un drame, c'était un accident, mais je m'en veux aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, il t'arrivera rien, sauf si je m'énerve, je pourrais te tuer également, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça, c'est t'inquiète ben voilà. Pas, bon, et pour finir, on se fait évidemment la phrase du jour. Une femme qu'elle aime bien la vie, qu'elle croque la vie en plein dedans, quoi. Ouais, qu'elle croque la vie en plein dedans, bien sûr. Bon, ça nous fait encore de belles soirées en perspective le lundi soir avec Julie Taton et bien évidemment, l'amour est dans le pré. Ah oui, mais nous aussi on adore. Ah non de Dieu. Ah ouais, bah lui il était au taquet d'ailleurs. Bon ben voilà, on va terminer cette émission ici. Le temps de vous offrir également les places pour la Smart Cup. Ce sera ce week-end à Spa-Francorchamps avec les Smart. Ils vont aller à fond de balle, vous allez voir. Si vous voulez gagner vos places, 63-22, débutez le message par Smart avec vos coordonnées complètes. Et on vous appellera bien sûr d'ici quelques instants, il n'y a pas de problème. Et avant cela, nous avons qui pour la devinette qui colle? Alors nous avons Pascal, 35 ans, de Verlaine. Salut Pascal de Verlaine, juste comment à côté ça va? De Baudelaire. Ouais, allô. Bonjour, ça va et toi? Ça va bien et toi Pascal? Passe une bonne matinée? Ouais, ça va, au boulot, mais ça va. Tu fais quoi dans la vie? Chauffagiste. Chauffagiste? Ah bah oui, là ça va commencer, là, les pannes et tout ça là. Ah ouais, ah, y a du boulot, hein. La période reprend là. Ouais. Ah, la période reprend là, ça va être bon ça pour les finances, c'est très bon ça pour toi Pascal. Bon voilà, Pascal. Ouais. Bah ouais. Alors, il y a la petite devinette qu'on avait posée tout à l'heure, petite devinette qui était la suivante. Quelle est la différence entre une cacahuète et un clitoris? C'est tous les deux un amuse-gueule. Mais oui, exactement, c'est tous les deux un amuse-gueule, effectivement. Donc c'est pas la différence. Pardon, c'est pas la différence comme Julie l'a souligné tout à l'heure, mais quel est le point commun? Ouais. En fait c'est ça. Bon en tout cas, bravo. Ça te permet de repartir. Merci. Avec un écran plat ou alors avec ou alors avec le pack Nintendo Wii, la console, les jeux et les manettes. Mais oui, donc, on est généreux. Mais oui. Ah ouais. Donc tu gères ça bien évidemment au standard avec Tof, il y a pas de problème. Salut Pascal et la bonne journée à toi. Ouais, merci également, merci. Je t'en prie. Salut, à bientôt. Ouais, et puis on remet le couvert évidemment dès demain, on vous remboursera à nouveau vos factures. On mettra encore en jeu 3 écrans plats ou 3 consoles Nintendo Wii, oui, après c'est vous qui gérez. Demain entre 6h et 9h30, car oui, Fun Radio est la seule radio à vous offrir 3 écrans plats par jour, même par matinée, ce qui est encore mieux. Entre 6h et 9h30, faites passer le message, n'hésitez pas, et on appellera encore également des particuliers pour leur faire croire que Dexia, l'État a racheté Dexia, vous le savez, 4 milliards d'euros. Et que forcément, il faut les trouver, les 4 milliards d'euros. Voilà. Donc on va prendre dans votre portefeuille. C'est normal. Parce qu'il n'y a que là qu'il y a de l'argent. Mais on va aller chercher dans le portefeuille des gens, évidemment. Donc dès demain, on remet le couvert à partir de 6h du mat. La bonne journée, Julie, sous ce magnifique soleil. Ah oh oui, je vais aller bronzer comme c'est hier. C'est ça, n'oublie pas le monoeil. Ah oh ouais, t'inquiète. Mais je c'est compte les lunettes sur toi. De soleil, le chapeau, là, je suis prête là. Tant mieux. Et puis, Toff aussi, la bonne journée. Bonjour à maman, le médecin, tout ça. Tout ça, oui. Bon, je vais retourner dans mon lit, sortir ma bouillotte. Voilà, t'as bien fait. Hein. Bon, allez, à 9h29, on se quitte. Dans un instant, c'est Lucas. Loupez pas Jasmine à partir de 13h. Le retour de Evan, bien sûr, et toute sa tribu à 17h. Et puis loupez pas demain, non c'est après-demain, c'est Benjamin Khalifa de Top Chef et des anges de la télé-réalité qui sera son invité. Il y a Lizzie Pulicek et les Miss Wallon qui seront également avec Evan. Ce sera vendredi entre 17h et 20h. Mais on aura bien sûr encore l'occasion d'en reparler. Un dernier mot? Ah nom de Dieu, oui j'aime bien ça. Ah nom de Dieu. Allez, c'est pour terminer. Bon, je peux pas partir sans le remettre. Tu es déjà passé à la TV? Oui. Ah oui? Donc quoi? Comment, une émission ou quoi? J'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Oui. Et je l'ai malheureusement tué. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien son. Ah nom de Dieu. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.